semblant d'avoir les dents du sourire. Tu fais semblant de ne jamais mentir. Tu fais semblant de défendre des grandes causes. Tu fais semblant d'être sensible aux choses. Tu fais semblant de ne rien t'interdire. Tu fais semblant. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission d'Africa c'est tous les vendredis à partir de 19h et nous sommes ensemble pour 3h donc de bonne musique et vous savez on a l'habitude de recevoir aussi des groupes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et c'est le cas ce soir. Donc depuis le début de l'émission on a déjà écouté pas mal de bonne musique, hein. C'est toujours de la bonne musique de fait sur Radio Arc-en-Ciel, quel que soit le style, il y a la bonne et la mauvaise et nous sur Radio Arc-en-Ciel on ne diffuse que la bonne. Voilà, donc depuis le début de l'émission, on a écouté The Wilds, donc un groupe composé de deux personnes, donc c'est un duo. Et parmi eux, il y a Marc Albert, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a une quinzaine d'années, hein, le temps passe très vite, et qui depuis a constitué ce groupe qui s'appelle The Wild, il est tout récent. Et je viens de recevoir l'album complet, donc je vais vous le faire découvrir au fur et à mesure des semaines qui viennent. Juste après, donc The Wild avec That Girl Is Killing Me. Juste après, c'était The Last Magic Door. Donc, c'est ceux qui étaient venus dans la dernière émission dans laquelle j'ai reçu des invités. Donc, The Last Magic Door, un groupe de la région de Montargis. Et le morceau qu'on écoutait, bah, c'est une nouveauté. On l'avait découvert lors de leur passage dans l'émission. Et ça s'appelle The Wizard. Juste après, on a écouté aussi l'Insight, donc avec un morceau en français qui s'appelle Défaite écrasante. Donc l'Insight, pour ceux qui connaissent pas ce groupe-là, donc c'est tout récent, donc ça m'étonne pas non plus. Il y a un groupe qu'on a reçu il y a quelques années, d'ailleurs il devrait revenir dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. C'est un groupe qui s'appelle de la région parisienne, qui s'appelle. J'ai un trou, ça arrive. Je vais vous le retrouver, ne vous inquiétez pas. Et justement, c'est le chanteur qui a un autre projet qui s'appelle l'Inside. Et on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Défaite écrasante. Juste après, on a écouté aussi Daran. Vous vous souvenez de Daran et les chaises avec Je préfère dormir dehors. Et ben Daran, il tourne et il sera bientôt sur Orléans. Donc il sera au Bouillon le 13 novembre. Donc ça sera l'occasion d'aller le voir. En tout cas, moi j'y serai, il n'y a pas de souci. Daran avec tiré de son dernier album. Tu fais semblant. Et juste après, on va écouter Kill the Princess avant de recevoir donc ici dans le studio de Radio Arc-en-Ciel nos invités. Kill the Princess qui viendra faire un concert dans la région. Il faudra que je recherche exactement. Mais si vous avez l'occasion d'aller les voir, n'hésitez pas à aller voir les groupes en concert, c'est très important. Le morceau qu'on a écouté des Kill the Princess s'appelle Running After Time. Voilà, dans l'émission ce soir, nous avons des invités. Ils sont déjà ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est la première fois qu'ils viennent, même si certains membres sont déjà venus dans d'autres groupes. Et aujourd'hui, c'est l'édition numéro 644. Et nous recevons dans les studios de Radio Arc-en-Ciel le groupe Hardwave. Reste avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h. Voilà, c'était Killing the Princess avec un morceau qui s'appelle, je l'ai pas devant les yeux. Voilà, c'est un petit peu à l'arrache ce soir, hein, mais bon, vous inquiétez pas, je reviens de vacances. La semaine dernière, vous avez pu quand même écouter les artistes de la Mavericas Family, mais j'étais absent, donc je reviens un petit peu. Et puis là, donc ce soir, il y a le groupe Hardway qui est ici, et je suis en train de chercher au même temps le titre de Kill the Princess. Voilà, modifie la balle, et vous pouvez retrouver aussi, donc ça s'appelle Running After Time. Vous pouvez retrouver tout le programme de l'émission Mavrica. Au fur et à mesure, je mets les titres que je diffuse dans l'émission, comme ça vous pouvez plus facilement les retrouver, et surtout si ça vous plaît, vous pouvez savoir de qui il s'agit. Et donc c'est à jour, hein, Kill the Princess avec Running After Time. Aujourd'hui, c'est l'édition numéro 644 et nous recevrons le groupe Hardway. Alors, ils sont ici présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On est à 5 minutes du centre d'Orléans. On est à Fleury-les-Aubrais. Et dans le studio, on reçoit, c'est un studio mythique, hein, quand même. C'est un studio dans lequel on a reçu énormément de grands artistes. Et c'est encore le cas ce soir avec le groupe Hardway. Bonsoir les Hardway. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, tout se passe bien? Yes. Bon, ça va, on est content, la clim marche bien dans les studios, il fait une chaleur dehors épouvantable, hein. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à cette chaleur-là. Et nous, dans les studios, on est bien, on est tranquille, on est bien installé, et on est ensemble justement pour 2h30, et c'est vrai que le temps passe très vite. Et donc on va découvrir tout l'univers du groupe Hardway. Voilà. Donc le groupe Hardway, il est constitué de combien de personnes? Alors là, nous sommes 3 sur 5 membres au total. Mmh. Donc aujourd'hui, on a Guillaume, le bassiste. Ouais. Alors Guillaume, on le connaît déjà. Il est déjà venu avec plusieurs formations différentes. Il était venu avec d'abord Ice Cream. Voilà, on a fait deux émissions. Ouais. J'étais passé avec Arnaud Walden et puis Acoustic Wild. Acoustic Wild, tout à fait. Donc on le connaît aussi sous le nom de Be Good. C'est ça. Tu vois, on n'oublie pas. Hein. Donc Guillaume est toujours à la basse. Hein. Toujours à la basse. Tu changeras pas. C'est ton instrument. Il y a des bassistes qui sont bassistes par défaut. Ils voulaient être guitaristes, mais c'était trop compliqué, donc ils sont passés. Mais il y en a d'autres, c'est des bassistes nés. Voilà, ils aiment bien les graves, ils aiment bien quand ça envoie. Et toi, t'es un bassiste né. C'est ça. C'est vraiment à la basse ton instrument. J'ai vu les bassistes jouer dans ma jeunesse. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des sacrés bassistes aussi. Et souvent, on oublie. On dit voilà, les bassistes sont derrière. En vérité, s'il n'y avait pas les bassistes et les batteurs, c'est vraiment la base de la musique, et puis derrière les autres peuvent s'amuser quoi sur votre musique, mais en tout cas le bassiste c'est extrêmement important. Ouais, c'est essentiel dans un groupe. C'est essentiel. Très bien, on est d'accord. Donc après on va parler de celui qui est déjà venu aussi, c'est Clément. Eh oui. Alors toi, tu étais déjà venu avec Roxy Moore. Exactement, avec Roxy Moore, j'étais déjà venu. Et il y a très longtemps, tu étais venu avec See You Soon. Avec See You Soon, oui, oh là là. Oui, ça date. Majeur à ce moment-là. Il me semble que non. Je me souviens qu'il y avait plus quelques groupes qui étaient venus au début de l'émission, que je continue à suivre, hein. Donc il y a des artistes, et c'est vrai qu'il y en avait certains qui avaient 17, 18 ans, ouais. Ou 16 ans, et puis aujourd'hui, bon, le temps est passé, maintenant ils sont devenus des musiciens attitrés, et donc Clément, t'étais venu avec See You Soon, c'est des bons souvenirs aussi. Hein. Ah, See You Soon, c'est des très bons souvenirs, voilà. Très bons souvenirs, les débuts, l'adolescence, le rock. Mmh. Le rock and roll. Très bien. Et Roxy Moore, ça en est où? Roxy Moore, ça en est où? Bah, Roxy Moore, c'est... C'est un projet que tu as aussi. C'est un projet que j'ai aussi. C'est pas un projet mort, ça continue. C'est... Ouais. Ça se prépare lentement, mais ça va repartir bien. On a été pas mal touchés par le Covid, mais... Ça fait du mal à tout le monde, ouais. Ça. Franchement, c'est une mauvaise période. Heureusement, c'est passé. Oui. Et maintenant, il faut l'oublier et puis continuer à aller de l'avant. Très bien, donc voilà les deux membres qui sont déjà venus. Et la troisième personne, c'est la première fois que tu viens dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Tout à fait. Donc toi, tu es la voix du groupe Hardway. Oui, moi c'est Audrey. Audrey. Donc chanteuse du groupe Hardway depuis quasiment les débuts. J'ai rejoint dans les tout débuts du groupe. D'accord, le groupe existe depuis 2022, c'est ça? C'est ça, donc 2022. Ça fait 3 ans. Depuis 3 ans, donc comment vous êtes rencontrés déjà? Comment on forme un groupe? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver les bonnes personnes pour le style de musique que vous avez envie de faire. Comment on forme un groupe? Comment on forme Hardway surtout? Comment on forme Hardway? Ouais, parce que bon, après, chaque groupe a une histoire différente, mais celle qui nous intéresse ce soir, c'est Hardway. Voilà. Déjà, c'est grâce à Los Aligos, un groupe qu'avait notre deuxième guitariste. D'accord. Et aussi au Rock Seymour. Où justement, Rock Seymour avait invité Los Aligos à un petit festival à Cerdon. Donc c'est là où j'ai rencontré Laurent, notre deuxième guitariste, avec Christophe, notre batteur. Qu'on salue d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il nous écoute. Il nous écoute. Et puis on a eu envie de faire un groupe tous les trois, un peu plus hard rock, metal, parce que Rock Seymour c'est beaucoup plus rock, variété. Et Los Aligos aussi c'était plus rock... assez classique rock. Du coup, on voulait quelque chose de plus, un peu plus puissant, un peu plus moderne. Donc, on s'est dit, on va monter un truc à côté. Eric aussi, notre ancien bassiste qu'on salue, nous a rejoint peu de temps après, quelques jours après, je dirais bien. Et on a posté une petite annonce, et puis une adresse sauvage est apparue. D'accord. Donc, c'est une petite annonce sur quoi? C'était sur Zikinf, je crois. Oui, je crois. Ouais. D'accord. Non, mais il faut le citer, ces endroits-là, parce que des fois, il y a des musiciens qui cherchent des membres, parce qu'il leur manque. Souvent, ce qui manque, c'est quand même les bassistes sont très recherchés. Oui. Hein, et il n'y en a pas tant que ça. Et des fois, les gens cherchent un membre de leur groupe, ils ne trouvent pas, parce qu'ils ne savent pas où trouver. Donc, c'est sur un site, c'est ça? Oui, c'est un site de petites annonces. D'accord. Entre musiciens. Entre musiciens. Tu mets à chaque fois quel profil tu es, si tu es un groupe, si tu es un duo, si voilà, et ce que tu cherches. Et là, en l'occurrence, j'ai vu passer une annonce qui disait recherchons chanteuse, enfin chanteur ou chanteuse. Je crois que c'était... On n'avait pas choisi encore. Ouais, voilà. Et du coup, quand je suis arrivée, ils ont choisi. Le pire, c'est que c'est vrai. T'as été la première, mais t'es la dernière. Ça, c'est pas mal. Très bien, donc vous avez choisi, vous avez trouvé Audrey, vous avez fait des essais, ça roulait, c'était bon, impeccable, donc vous l'avez gardé du coup. Et ensuite, après les autres, donc là, on est à combien? Vous avez parlé de l'ancien bassiste, donc l'ancien bassiste, il est resté combien de temps? C'est tout récent qu'on a... Oui, c'était début d'année là où il a déménagé en fait en Bretonie. Ah ouais, d'accord, donc voilà, c'est ça, le souci c'est que pour jouer dans un groupe, le mieux c'est d'être proche, parce que sinon c'est pas évident pour les concerts. C'est clair, en fait c'est jamais facile de trouver à la fois les personnes qui sont dans ton style, qui sont dispo en même temps, qui veulent faire la même chose, qui ont les mêmes objectifs, et c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir trouvé Guillaume d'ailleurs, qui vient compléter notre quintuplé comme ça, de façon vraiment idéale. Et donc Guillaume, toi c'est arrivé quand? C'était mois de mars. Donc c'est vraiment tout récent. D'accord. Donc et puis il manque qui? C'est qu'on n'a pas présenté. On a présenté tout le monde. Tout le monde. On n'a pas trop parlé de Christophe, mais oui. Il était à l'origine aussi, donc le batteur. Le batteur. Depuis le début, il est là. Donc il y a juste eu un changement au niveau du bassiste, parce que pour des problèmes de géographie. Hein, c'est ça. Donc en Bretonie, c'est un autre pays. C'est loin là-bas. Hein, c'est loin. Et puis il pleut tout le temps. Enfin, je rigole. Non. Je vais me faire engueuler par les Bretons. Il ramènera plus de chouchen après, ça va pas aller cette histoire. Et en plus, on a dit beaucoup de mal sur la Bretagne, mais moi j'ai eu la chance, à chaque fois que j'y vais, il fait très très beau. Donc je sais pas, mais il fait très beau. Donc, et il y a aussi un dicton qui dit la différence entre l'hiver et l'été, c'est que en hiver, l'eau est plus la pluie est plus froide qu'en été. Bon, voilà, on fait un petit coucou à nos amis bretons, et en attendant, bon, c'est pour rigoler, mais il a déménagé, et puis donc il a été remplacé par Bigood, donc Guillaume qui l'a remplacé à la basse. C'est ça. Donc depuis, vous avez choisi des morceaux. Vous êtes un groupe de composition ou de reprise? De reprise. De reprise. Ouais. Voilà, il n'y a pas de composition pour l'instant, aucune. Alors, je sais pas si ça avait été évoqué fut un temps, mais du coup, moi, comme je suis arrivé depuis peu, mon travail principal a été de pérenniser le répertoire en place pour qu'on puisse se produire le plus vite possible. Et puis après, on verra où est-ce que ça nous emmène. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est pas exclu qu'un jour vous fassiez la compo, mais pour l'instant, vous faites que des reprises. Alors, vous choisissez comment les morceaux? Alors justement, c'est ça que je voulais préciser, c'est qu'on fait de la reprise, mais à la sauce Hardway. C'est-à-dire que autant on peut s'attacher souvent à refaire les morceaux comme les originaux. Mmh. Autant on aime bien y mettre notre petite patte, et là je regarde Clément en coin parce qu'il sait très bien ce que je vais dire, rajouter des petites choses, enlever des petites choses et parfois transformer les morceaux de A à Z. Ce qui fait qu'il y a parfois des morceaux, on commence à les jouer, les gens reconnaissent pas tout de suite, et en fait, voilà, c'est au fur et à mesure que ça avance, les gens reconnaissent, ils disent « Ah, mais oui, c'est ce morceau-là !» Donc en fait, on joue un petit peu sur cette ambivalence de reprise, mais à la sauce Hardway. D'accord, moi je trouve que c'est justement ce que j'aime beaucoup, moi. Parce que reprendre, il y a des groupes qui font ça, qui reprennent les morceaux comme tel enregistrement, à telle époque, ça a été interprété comme ça, ils le font très bien. D'accord, mais on aime bien aussi les découvrir d'une autre manière, et donc là c'est ce que vous êtes attaché à faire, donc vous accaparez les morceaux, donc vous dénaturez pas les morceaux parce qu'on va les reconnaître, mais au début, et puis vous arrangez un petit peu, les instruments sont peut-être pas exactement les mêmes, vous faites pas la même construction, vous reconstruisez peut-être les morceaux aussi. Ok, donc, et les morceaux que vous avez choisis, c'est des morceaux que de quel répertoire? C'est principalement du hard rock, heavy. D'accord. Qui peut tendre un peu vers le métal de temps en temps. On est un peu donc sur... du rock musclé, quoi. Ouais, voilà. Mmh. On est sur une période des années 70 à nos jours, c'est-à-dire on a des morceaux un petit peu intemporels du AC/DC et du Deep Purple, et des choses un peu plus péchues, type System of a Down, dans les trucs les plus récents. Donc ouais, c'est un petit peu un mix de tout ce que nous on apprécie, tout ce qu'on écoute, et tout ce qui nous fait kiffer à jouer, hein, clairement, qu'on a mis dans notre setlist. D'accord. Et les morceaux, qui c'est qui propose tel ou tel morceau? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde a le droit de proposer. C'est et ça. Après, vous faites un vote et vous dites, celui-là, on le garde. Non, celui-là, ça va pas du tout. Par exemple, viens boire un petit coup à la maison, ça correspond pas au truc. Non, celui-là, on le reprend pas. Ouais, mais on pourrait peut-être le faire en version plus hard rock. Non, ça marche pas. Donc, vous sélectionnez des morceaux comme ça. Donc, vous avez parlé de certains groupes. On peut en citer peut-être d'autres, des groupes qui vous ont inspiré, que vous reprenez. On reprend depuis les années 70. Hendrix, ouais. Jimi Hendrix 70. Je sais pas si on va passer Stevie Wonder ce soir. Ah ouais. On va la passer. Donc en plus c'est un morceau réadapté, donc dans ce qu'on disait juste avant sur l'appropriation qu'on fait des morceaux qui sont pas purement de la reprise basique. Ouais, parce que Stevie Wonder c'est plutôt groove, ceci cela. Là vous le reprenez de manière un petit peu plus rock'n'roll, plus hard. Ouais, plus rock'n'roll, ouais. Plus rock'n'roll. Non, okay. c'est pas trop hard. D'accord. Sur cette version là. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre, hein? Jimi Hendrix, les Rolling Stones, on réadapte Call Me aussi de Blondie. D'accord. Ah, très grosse réadaptation. Alors ouais. Celle-là, ouais. Là, ouais, plutôt hard rock, ouais. Et ouais. C'est marrant parce que Blondie, pendant un certain temps, on l'avait un petit peu oublié. Et là, je vois, il y a pas mal de reprises de Blondie à tous les styles. Hein. Des fois, c'est un peu plus disco, des fois, c'est un peu plus rock, des fois, c'est, on réadapte un petit peu ces chansons parce que c'est des chansons qui parlent à tout le monde, parce qu'on les a toujours tous plus ou moins entendu des chansons de Blondie. Ça a été un petit peu oublié et là ça revient un petit peu, j'ai l'impression. Non, c'est l'impression ou non? C'est parce que c'est ça doit être un vieux morceau qu'on a entendu des milliers de fois, ça reste un air passe-partout, facile à chanter, ça fait taper du pied en fait. Donc du coup c'est efficace. D'accord. Et c'est quel morceau de Blondie? Call Me. Ouais, très bien. OK. D'autres morceaux encore que vous reprenez? Ouais, donc on disait AC/DC, ZZ Top aussi, quelques-uns de ZZ Top. Ouais. On a du Black Sabbath aussi. Black Sabbath. Motley Crue. Ah ouais, c'est quand même assez large. Assez large. Dans les plus récents, donc on a des System of a Down, il y a aussi Pretty Reckless, c'est vrai. Évidemment. Alter Bridge aussi. En fait, là, c'est vraiment, comme je te disais, les influences de chacun. Chacun est venu mettre sa petite patte. Là, j'avoue qu'Alter Bridge, j'ai bien tanné tout le monde pour en faire. Très bien. Et aujourd'hui, avec tous les morceaux que vous reprenez, vous êtes capable de tenir sur une scène combien de temps? On va dire un bon 2h30. Bien tassé, ouais. Ah ouais, déjà 2h30 sur scène, c'est déjà du boulot. Hein. Et encore, on a écrémé parce que, comme on disait, on rajoute des morceaux. Après, dans le temps, il y en a des fois, on les joue en live. Puis finalement, on se dit, on les squeeze, on les met de côté, on les rejouera peut-être plus tard. Et finalement, on fait évoluer, on remet d'autres morceaux à la place. Et comme ça évolue en permanence là depuis 2 ans, ouais, on a pas mal bougé la liste. Et vous sélectionnez par rapport aux réactions du public ou ça peut arriver, ouais. Parce que des fois il y a des morceaux que vous aimez bien, à chaque fois vous les jouez, et à côté de ça il y a des morceaux que vous jouez et le public réagit. Donc bon, il faut quand même faire réagir le public, donc vous sélectionnez aussi par rapport au public, quoi. Tout à fait. Mais il y a peut-être des morceaux que vous faites plaisir à vous-même et que vous continuez à interpréter même si le public est pas trop réactif, quoi. Ça va, le public est toujours très réactif. Bon, bah, très bien alors, voilà. Depuis donc trois ans, vous avez fait beaucoup de concerts. On a pas mal fait de concerts l'année dernière. C'était les premiers, donc on a joué au Road Trip Café du côté de Noyers-sur-Cher. Mmh. On a fait aussi un concert, c'était chez les Potes de Loire, qui faisait un rassemblement moto à Saint-Dié-sur-Loire. D'accord. Qui était très cool, mais très pluvieux pour le coup. On parlait de la Bretonie, des fois. Ouais, des fois, on n'est pas trop mal placé ici, voilà. Hein, pour ce qui est du temps. Autant, des fois, je vais à des endroits, il fait le même temps pendant. On n'est qu'un jour, il fait le même temps. Et c'est vrai qu'ici, dans le Loiret, il peut pleuvoir le matin et avoir un beau soleil l'après-midi. Ça, c'est très changeant. Donc, voilà, il faut s'adapter, hein, c'est tout. Hein. C'est ça. Pour le coup, comme je te disais, bah, le public était chaud quand même parce que malgré la pluie, les gens sont restés jusqu'au bout. Ah bah ça fait plaisir. Hein. Ils en ont redemandé. Ils en ont redemandé. Ouais, on a dû se barrer en courant. Ils étaient trempés à la fin. Ah ouais, d'accord. Et au niveau du matériel, des fois, ça craint aussi un petit peu. Vous étiez protégés quand même. On avait un magnifique sac plastique sur chacun de nos retours pour les protéger de la pluie. On était waterproof, sans problème. D'accord. Non, c'est vrai que des fois, ça pose des problèmes. Moi, j'ai déjà vu des concerts, des fois, sous des bâches, et avec le poids de l'eau, la bâche avait lâché et ça avait grillé un ampli de basse. Je fais un petit coucou à notre ami Mousse, hein. C'était à lui que c'était arrivé, c'était Rocking Rebrèche, donc pour ceux qui connaissent. Et donc je sais que quand il pleut, bah, pour les instruments, c'est pas super terrible. Voilà. Ça te dit quelque chose, Guillaume? Tu te souviens de ce truc-là? Alors, j'étais pas là ce jour-là, mais moi, je sais qu'à l'époque, avec Ice Cream, on a loupé une ou deux dates à cause des grosses averses, ouais. Ouais. Quand c'est en plein air, malheureusement, on cale une date, on fait un coup de poker sur la météo, et des fois, elle est pas là, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on croise les doigts, la semaine prochaine, c'est la fête de la musique pour tous les musiciens de France, et j'espère qu'on aura tous beau temps la semaine prochaine. Ouais, on espère, en tout cas, on va croiser les doigts. Et donc, après, vous allez aussi nous annoncer, on en parlera tout à l'heure, de toutes vos dates qui viennent, parce que c'est important. Là, on va parler un petit peu de vous, on va vous découvrir, et les gens, j'espère qu'ils auront envie d'aller vous voir en concert, donc c'est l'occasion de balancer toutes vos dates. Pour l'instant, on va écouter peut-être un premier morceau, donc... Highway Star, donc ça c'est un morceau qui est très long en principe, non? C'est celui auquel je pense. Il fait 7-8 minutes de mémoire. Ouais, ouais. Et c'est quel groupe qui a interprété ce morceau-là? C'était Deep Purple. Deep Purple, un groupe mythique, hein. Voilà, on n'a pas oublié. Et ça c'est vrai que c'est un morceau, vous me faites plaisir parce que c'est un morceau que j'adore. Et la guitare, elle est tout simplement super bonne. Et là je vais pouvoir juger parce que je connais très bien le morceau d'origine. Je vais pouvoir juger le guitariste, donc Clément. Oui, mais je suis pas tout seul. T'es pas tout seul. Donc t'es pas tout seul à jouer de l'instrument. Et le morceau qu'on va écouter a été enregistré dans quelles conditions? À l'origine, le morceau servait surtout de démo pour d'éventuels démarchages. Mmh. Donc il a été un peu enregistré entre guillemets dans un garage, en salle de répète en fait. Ouais, ouais. Et avec un petit enregistreur numérique. Du Christophe, d'ailleurs, notre batteur. Qui a passé de longues heures à mixer tout ça, d'accord. Tout récupérer. Ouais. Et son R16, on appelle ça. Oui. Le R16, comme la Renault 16. D'accord. Et ensuite, une fois récupéré les bandes, j'ai mixé à peu près tout ça en quelques jours. Pris mon temps quand même. Avec plusieurs versions, histoire que ça colle à... Avec nous, avec nos envies, le son qu'on voulait. Et ça reste quand même quelque chose d'amateur, faut pas trop juger là-dessus. Oui, donc c'est un truc qui est audible, qui sert justement à démarcher. Oui. Quand les gens vous demandent, par exemple, qu'est-ce que vous jouez comme style, vous envoyez ces morceaux-là. C'est pas les trucs qui ont été enregistrés dans un studio professionnel où vous êtes resté pendant 15 jours. Là, c'est quelque chose qui a été fait assez rapidement, mais quand même une qualité... assez bonne, quoi. Donc toi Clément, tu en plus tu connais bien la technique, c'est toi qui fais aussi, on va le dire quand même, c'est lui notre technicien pour les Mavericks Live. Donc ça c'est important, c'est lui qui nous fait le bon son qu'on a au Mavericks Live et on peut le féliciter pour ça parce qu'on va le remercier, c'est vraiment super. Et d'ailleurs le prochain, tu te souviens la date, c'est le 25 octobre. C'est bien noté. Je suis là, je suis très bien. Je vais mettre mon agenda au cas où. D'accord, donc le 25 octobre, ça sera le Mavrika Live numéro 15. Et à cette occasion-là, on aura plusieurs groupes. On aura, il faut que je me souvienne, BRS Band. On aura aussi Sonic Lag. Et on aura Red Daff. Oh. Et en interscène, on aura Blue Tomahawk. Vous connaissez, non? Donc, bah, ça sera justement l'occasion de découvrir différents groupes. Donc, et puis Red Daff qui est déjà venu une fois dans un Mavrika Live. Sonic Lag, c'est un groupe récent, mais certains membres sont déjà venus dans d'autres formations. BRS, c'est la première fois et on est vraiment content de les recevoir parce que franchement, c'est toujours un plaisir de les écouter. Vous les connaissez, non? Mais reste bon, ça sera l'occasion aussi. En tout cas, de très bons musiciens. Donc, pour l'instant, nous, on va écouter Hardway. Hein, on va se faire une idée de votre son. Moi, je le découvre en même temps que les auditeurs, hein, parce que c'est vrai que tu m'as amené ta clé USB avec les morceaux. Ce soir, on va découvrir les morceaux ensemble. Et le premier morceau, c'est Highway Star, donc une reprise du groupe Led Zeppelin. Non. Deep Purple, pardon. C'est presque la même période. Oui, c'était la même période, mais bon, c'était légèrement différent quand même. Ils avaient chacun leur style. Donc un groupe mythique aussi, hein, Led Zeppelin, Deep Purple. Et cette fois-ci, c'est Deep Purple avec un morceau qui s'appelle Highway Star. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Voilà, premier morceau du groupe invité de cette émission numéro 644, le groupe Hardway. Ils sont ici présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc il y a trois membres qui représentent les cinq membres du groupe Hardway ce soir. Et on vient d'écouter un morceau, c'est une reprise donc de Led Zeppelin. Non, pas du tout. Je vous attendais parce que il y a eu une anecdote à propos de ça. Donc encore une fois, tout à l'heure je m'étais trompé en disant Led Zeppelin, je sais pas, au lieu de Deep Purple, et vous m'avez dit que vous aviez une anecdote justement à propos de ça. C'est-à-dire que après un concert, allez-y, racontez-le parce que. Ah, en fait, oui, c'est. Je suis pas le seul à m'être trompé. Non, l'erreur est classique, mais je pense que c'est pas ce qu'on voit là. On est dans le style. Ouais, je pense bien. Aussi. Et ouais, au sortir, bah c'était notre tout premier concert, je crois. Il y a un gars qui vient me voir, qui était bien dans l'ambiance, on va dire ça comme ça, qui me fait, oh, franchement, je suis un professionnel. Ce que vous faites là, les reprises, top. Franchement, et puis là, le Led Zeppelin, oh, jamais entendu jouer comme ça, c'était super. Et là, je l'ai regardé, je fais, oui, on joue pas de Led Zeppelin, mais oui. Donc c'est bien Deep Purple, et le morceau, c'est Highway Star, donc les stars de l'autoroute, hein, tout simplement. C'est ça. Alors, en anglais, ça fait quand même mieux, hein, parce que, voilà, très bien. J'écoutais au niveau qualité de son et au niveau interprétation... Bravo. Il n'y a qu'une chose à dire, hein, franchement. Alors ce soir, malheureusement, vous n'avez pas amené les instruments parce que vous n'êtes pas au complet. Il n'y aura pas de live. Mais par contre, vous avez apporté pas mal de bonne musique. Donc on va aussi de temps en temps passer un morceau de Hardway et de temps en temps passer des morceaux de vos influences. Mmh. On va faire comme ça. Très bien. Donc déjà, on va commencer à parler des projets. Donc les futurs concerts, c'est quand? Déjà la semaine prochaine? Le plus proche, c'est la semaine prochaine. Ouais. Ça, donc pour la fête de la musique. Le 21 juin, nous jouons donc à Beaugency. Donc c'est devant le Café Jo, place du Martrois, ou Martois, j'ai toujours du mal. Martrois. Voilà. Mmh. où du coup, bah, on joue en extérieur. Donc là, pour le coup, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure. Il faut pas qu'il pleuve. C'est ça. Faut pas qu'il fasse trop chaud non plus. Mais ouais. Si on pouvait avoir une petite météo ensoleillée, ce serait vraiment parfait. Donc on croise les doigts là-dessus. Et alors après, par contre, je peux pas encore révéler la prochaine date qui suivra après celle-là, puisque l'organisateur ne l'a pas encore révélée. D'accord. Donc je peux déjà dire que ce sera en septembre. Ok. Donc après, vous prenez quelques vacances, donc le temps de... C'est ça, le temps de récupérer. Bah, de mettre la biafine après les coups de soleil s'il a fait trop chaud. Oui, hein, ça c'est vrai aussi, ouais. Voilà, et on se retrouve début septembre pour la suite. Donc, d'accord, donc de toute façon, au fur et à mesure, vous publierez les dates. Alors, vous avez un Facebook? Tout à fait, Hardway. Voilà. Donc, il suffit de chercher Hardway ou Hardway 41, comme on est basé dans le Loir-et-Cher, on a collé le 41 derrière. Mmh. Et oui, toutes les dates sont dessus, on informe, on lance les flyers, les petits événements qui vont bien et les invitations derrière. Donc, restez branchés sur Hardway. D'accord. Et au fur et à mesure, n'hésitez pas aussi à si vous faites un événement sur Facebook, par exemple, je partagerai avec beaucoup de plaisir. Comme ça, voilà, c'est important d'aller voir les groupes sur scène. Et ça fait déjà 15 ans. Hein, donc la semaine dernière, c'était les 15 ans de l'émission Mavrika. Et ça fait 15 ans qu'on dit allez au concert, allez encourager les groupes. Ça, c'est important. Alors, ça peut être des groupes amateurs. Hein, ça se trouve, ça sera les prochaines stars dans les années qui viennent. Donc voilà, c'est pour ça, il faut y aller. Vous serez les premiers à les avoir découverts. Ou alors, après, on a aussi de très bons artistes qui jouent depuis pas mal d'années, qui sont pas forcément les plus connus, mais avec lesquels on passe un bon moment à écouter de la musique en live. C'est une autre dimension, le live. Hein. C'est vrai que c'est bien les enregistrements, on les écoute à la maison, on les écoute sur notre téléphone, avec des écouteurs dans le bus, n'importe où. Mais quand on va à un concert, c'est quand même une autre dimension. Il y a les lumières, il y a le son professionnel, et les odeurs et tout ça, hein, donc ouais, il faut quand même le dire. Voilà, je rigole, mais enfin, c'est vrai que c'est super bien. C'est aller au concert, on redécouvre des fois des groupes qui interprètent pas les morceaux forcément de la même manière qu'ils les enregistrent. Voilà, je sais pas si il y a des groupes, des fois ça ressemble exactement, on a l'impression que c'est le disque qu'on nous passe, et il y en a d'autres qui réinterprètent et c'est une autre dimension. Des fois c'est plus rock, des fois c'est plus soft, des fois ça change un petit peu, quoi. Très bien. Donc, il n'y a pas de site internet pour l'instant? Non, il y a juste la page Facebook. Bon, c'est déjà pas mal, voilà. Hein, pour démarcher. Voilà, souvent. On a une page YouTube aussi avec du coup les vidéos de nos précédents concerts. On a fait des petits medley vidéos. Mm-hmm. Donc, si ceux qui ont raté les précédents, qui veulent rattraper un petit peu, ça donne une petite idée effectivement de cette ambiance en live qui est vraiment différente par rapport à un enregistrement où t'es posé ou. Voilà, c'est un peu plus calme généralement. En live, ça déménage toujours beaucoup plus. Ouais. Alors ça, on ne sait pas pourquoi. Le rythme, il est légèrement accéléré quand c'est en live. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Voilà, quand on est en live, il y a le public, ils sont demandeurs. Et des fois, on joue les morceaux plus vite qu'on devrait le jouer. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est de l'adrénaline hein, qui fait ça. Et puis le stress aussi. Hein. On est un petit peu stressé quand on monte sur scène. Puis après, une fois que c'est parti, que ça marche bien, après, c'est que du bonheur. Hein. Voilà. Très bien. Donc, on va noter déjà la semaine prochaine, donc le 21 juin, donc pour la fête de la musique à Beaugency, place du Mar 3. Et ça sera en extérieur. Donc, venez applaudir le groupe Hardway sur scène. À partir de quelle heure? Je crois que c'est à partir de 20h. D'accord, 20h. Donc, voilà, ça va pas être évident parce que la semaine prochaine, il y a énormément de trucs. Donc vous avez l'embarras du choix, mais si vous êtes sur Beaugency, il faut pas hésiter à aller vous voir. Très bien. Vous avez fait combien de concerts depuis que vous êtes ensemble? Ça fait 3, je crois, l'année dernière. Pas énormément. Ouais, non, pas énormément au final. Après, on a une longue année et demie, 2 années peut-être de préparation. C'est ça. Ah en oui, fait, on a commencé façon, à démarcher que début 2024 finalement. Donc, ouais, les premiers concerts sont vraiment arrivés que en 2024. Et après, on a une période un peu creuse la fin d'année dernière. Oui. Et du coup, bah là, ouais, on repart maintenant, quoi. Donc, forcément, ouais, ça, c'est pour ça qu'on a joué que 3 dates l'année dernière. Puis il y avait une annulation aussi, ça, qui est la fête de la bière, qui avait été annulée. Oui, essentiel. Mmh. Sur l'enregistrement qu'on a écouté tout à l'heure, c'était déjà Bigoud ou non, c'était non, pas encore c'était toi. Eric. Voilà, c'est une question que je me posais, mais bon, après, donc il va falloir réenregistrer les morceaux avec ton son. Non. Probablement, ouais, si probablement. Le besoin se fait sentir, je le ferai volontiers, mais bon, le but c'est quand même de manger de la scène. Donc, oui, donc vous êtes plus un groupe de scène ou un groupe de studio? Plus de scène. De scène. Vous aimez le contact avec le public, ça c'est la chose la plus importante. Mais est-ce que dans vos projets futurs, est-ce qu'il n'y aurait pas un enregistrement d'un CD ou un CD? Ça n'existe plus, ça. Un EP téléchargeable sur toutes les bonnes plateformes. Après, bon, un CD, c'est toujours bien aussi, parce que les gens qui viennent à la fin des concerts, souvent, ils aiment bien... si on leur donne un truc, vous téléchargez là, ça ne va pas être terrible. Le mieux, c'est quand même quand il y a un support. Ça peut être, après un concert, un truc que vous pouvez fournir aux admirateurs. Et après, on parlait des trucs qui n'existent pas, mais le vinyle revient, par exemple. Mmh. Il y a même des groupes qui m'ont proposé sur cassette. Hein. Ça revient aussi, la cassette. C'est vrai. Donc, ouais. Il y a des nostalgiques. Ouais. C'est vendu avec le crayon. Ouais. Ouais, c'est vendu avec le crayon, parce que pour ceux qui connaissaient, bah, ça s'enroulait souvent. Des fois qu'on laissait dans les autoradios en pleine chaleur, ça se collait au galet. Lecture, hein. Au galet, surtout. Et puis après, ça s'enroulait. Et puis après, on tirait là-dessus, il y avait toute la vente qui ressortait. Il fallait tout remettre dedans. Donc voilà, c'est des choses que, bon, à la limite, on préfère un petit peu oublier, puis garder aussi un petit peu la nostalgie du son, de la cassette. Bon, c'était le premier support enregistrable qu'on avait grand public, quoi. Mm. Donc on était content à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est passé à d'autres choses qui sont beaucoup plus simples, qui prennent moins de place, qui durent plus longtemps. Et voilà, donc ça fait partie de la vie. Voilà. Très bien. D'autres projets? Est-ce que... Donc, on a parlé d'enregistrement pour l'instant. Non, je pense qu'on va enregistrer en live principalement. Oui, ouais. D'accord. Ce sera des enregistrements live. Des instruments en live, d'accord. Et aussi, c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Il y a des groupes qui font des reprises. Des fois, je leur pose la question. Ils me disent, ouais, mais je vois pas trop l'intérêt d'enregistrer des morceaux qui ont déjà été enregistrés. Mais bon, après, comme vous accaparez le morceau et vous les interprétez... à votre sauce, oui, ça peut être intéressant de les enregistrer, tout à fait. Ouais. Voilà. À une époque, on blaguait sur justement ce qu'on pouvait donner aux gens qui venaient en concert. On parlait de faire du merchandising à base de mugs, de t-shirts Hardway. Ouais. Donc, ouais, ça peut être une option aussi, en mode le t-shirt Hardway Collector 2025. Ouais, donc le t-shirt, les pins, les, ça, les décapsuleurs, les magnettes et tout ça. Ouais, il y en a qui ont toute une série. Et puis, c'est vrai que moi, le premier, quand je vais à un concert, comme ça, j'ai bien ramené quelque chose, voilà, à dire, voilà, j'étais là-haut, tiens, j'ai le t-shirt, j'ai le machin, j'ai le petit pin, le petit badge, là, tout simplement. Et puis, moi, j'ai même une petite boîte à la maison où il y a tous les badges de tous les groupes que j'ai réussi à avoir, quoi. Donc, ça me fait plaisir. Et à la limite, il va falloir que je trouve un blouson sur lequel je les mettrai tous, comme ça, voilà. Très bien, donc il ne faut pas négliger ce genre de truc-là, parce que c'est quand même votre image aussi, et c'est important. Et depuis que je fais l'émission, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du Facebook, c'est vrai que c'est un bon moyen de vous faire connaître. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un groupe, bon, c'était des plus jeunes, ils me disaient oh, « Facebook, c'est dépassé, nous, là, machin ». Je dis « Oui, mais rigolez pas, parce que Facebook, c'est comme une vitrine. Même si vous êtes sur d'autres réseaux, de ça, Facebook, c'est quand même le plus... regardez par tous les âges réunis, quoi. Donc il peut y avoir plus de vieux, hein, bon. Mais il y a aussi quelques jeunes, et donc faut pas fermer cette fenêtre. C'est quand même une manière de présenter votre groupe. Et donc même si vous y allez pas, vous alimentez pas tous les jours, toutes les semaines, au moins avoir quelque chose pour que les gens se réfèrent à ça, quoi. Et puis pour vous contacter, tout ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Donc il faut pas se fermer. Vous avez d'autres choses et... Ouais, comme je te disais, une page YouTube, après on s'est arrêté là. Hein. Ouais, on a réfléchi à d'autres réseaux, mais je crois qu'on avait fini par. Tu regardes si on avait fait un Insta, c'est ça? Oui, je sais qu'aujourd'hui, il y en a plein. Et puis, bon, après, il y a des gens qui préfèrent un réseau, d'autres, voilà. Donc, on laisse le choix. Mais bon, il faut pas se fermer. Il faut, au contraire, se faire connaître au maximum. Donc, ça, c'est important. Très bien. D'autres projets encore, des vidéos, des choses comme ça? Il faudrait qu'on se refasse des photos de groupe maintenant qu'on est heureux à 5, histoire d'avoir une belle photo. D'accord, parce que là ce soir il y aura des photos, mais ce sera des photos de 3. De 3, ouais. 3, donc je ferai le quatrième, mais bon, moi je joue pas vraiment bien de l'instrument. Donc... Tu choisis batterie ou guitare du coup? Bon, je vais me débrouiller, hein, je taperai sur des casseroles, ça ira bien. Voilà, je me mettrai derrière. Ouais, parce que guitare, ça sera un peu compliqué quand même, mais bon, taper sur des trucs, oui, je sais faire, même si je le fais pas aussi bien que des batteurs, parce que franchement, je suis admiratif devant certains batteur, c'est un métier, c'est quelque chose de très compliqué, la batterie aussi. Voilà, donc on peut que les féliciter pour leur travail. Très bien, on écoute un petit morceau que vous avez choisi. Donc c'est un monsieur qui joue de la guitare depuis pas mal de temps. Bon, c'est quelqu'un que je lui ai tout appris, hein, comme je le disais. C'est moi qui lui ai expliqué comment. Donc il s'appelle Joe, Joe Satriani. Hein, je pense que tout le monde connaît cet immense joueur de guitare et qui enregistre régulièrement des morceaux, souvent des instruments. Et c'est le cas pour le morceau qu'on va écouter là. Alors, qui c'est qui a choisi ce morceau-là? Alors, c'est notre guitare héros à nous. D'accord. Laurent. Laurent, ouais. Un guitariste qui manque, qui est fort influencé par Joe Satriani. Ça s'entend beaucoup dans son jeu, d'ailleurs. On le verra par la suite dans les morceaux qu'on choisira. Et maintes et maintes fois il m'a demandé qu'on joue ce morceau, et maintes et maintes fois je lui ai dit non. D'accord, pourquoi? Il est compliqué ou... Parce que lui, Joe Satriani, moi j'ai entendu dire que c'est un grand technicien. Donc il fait des choses que tout le monde n'est pas capable de faire, hein. Il faut quand même bien le dire. Il joue depuis pas mal de temps et tout ça. Donc c'est pas évident de reprendre des morceaux. C'est pas évident de reprendre du Joe Satriani. C'est vrai qu'il a beaucoup de techniques. Moi personnellement, j'ai pas sa technique évidemment, mais j'aime beaucoup son jeu. D'accord. Est-ce qu'il n'est pas que dans la technique évidemment, mais je me suis toujours dit que je pense certains le partagent dans le groupe, que faire de l'instrumental dans Hardway c'est pas fait pour ça. Tu voulais pas que je ne chante pas, c'est voilà, ça. C'est, ça. Ouais, okay. C'est vrai que quand il y a une chanteuse sur la scène, le contact avec le public, tout ça, ça se fait beaucoup mieux. Moi, et des fois, bien, quand ça fait la petite pause. Hein, ouais, à la limite, oui, ça peut être envisagé quand vous faites des longs concerts. Peut-être mettre un petit Joe Satriani, un petit instrumental, le temps de faire une petite pause pour la chanteuse. C'est possible aussi. Hein. Ça pourrait l'être. Après, il faut que ça plaise aussi au public, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Très bien. Donc, on écoute ce morceau tout de suite. Il s'appelle Satch Boogie. C'est ça. C'est parti. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrica. Et on écoute tout de suite Joe Satriani. We Merci beaucoup. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, il y a le téléphone qui sonne en même temps. Donc, j'ai essayé de passer quelqu'un au téléphone, mais apparemment, ça s'est pas bien passé. Donc, bon, c'est pas bien grave. On va continuer quand même avec le groupe Hardway que nous recevons ce soir pour l'émission numéro 644. Et on vient d'écouter justement un morceau, une reprise de Blondie qui s'appelle Call Me. Voilà. Je ne suis pas trompé, donc vous l'avez interprété à votre manière, mais on reconnaît bien le morceau. Franchement, il est super bien interprété. Bravo encore hein, pour l'enregistrement. Bon, moi je voulais mettre quelqu'un à l'antenne, mais bon, j'ai loupé la manip. Donc, bah, c'est quelqu'un que vous connaissez parce que il s'agit de Christophe, le guitariste du groupe Prisma. Voilà. Vous le connaissez tous ? Oui, bah, on connaît. Qui ne connaît pas Christophe ? Ouais, Christophe en même temps. Et il essaie de nous appeler là, mais je suis un petit peu embêté parce que j'ai perdu la procédure. D'habitude, elle est marquée là-dessus et j'arrive pas à la trouver. Et j'essaie d'appuyer sur tous les boutons, mais ça fonctionne pas. Donc voilà, non, bah je sais pas. Voilà. Mais ça va bien avec Call Me du coup. Ouais, ça passe très très bien. Mais sauf que là, je suis un peu embêté. Voilà. Ben non, ça marche pas. Donc je sais pas. Et je suis désolé Christophe, mais on va rester tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver la procédure et puis on va essayer de se débrouiller. Voilà. Donc on vient d'écouter deux morceaux à la suite, Joe Satriani et une reprise donc du groupe Hardway. Donc c'était Blondie qui interprétait Call Me. Voilà. Très bien. Donc on a parlé tout à l'heure de. On a vu que le groupe avait 3 ans. Vous êtes 5 membres. Que vous jouez déjà depuis quelques temps. Vous avez fait quelques concerts. Qu'il y a un concert la semaine prochaine. Donc ça sera pour la fête de la musique à Beaugency. Ça il faut le rappeler. On va le rappeler pendant toute l'émission. Donc à Beaugency, place du Martrois, le 21 juin pour la fête de la musique à la place du Martrois. Voilà, j'ai tout retenu. À partir de 20h. Voilà. C'est ça. Donc souvent les horaires. Je sais que pour les concerts on dit 20h. Des voix à commencer un peu plus tard. C'est rare que ça commence avant. J'ai jamais vécu de concert qui commence avant l'heure. Et une fois, j'ai été à un concert et je me suis dit, bon, j'ai le temps parce que ça commence jamais. Et bah, si, ils avaient commencé à l'heure. Wow. Parce que des fois, il y a des concerts où il y a plusieurs groupes et ils sont tenus de respecter les horaires. Et j'ai loupé certains groupes comme ça parce que j'ai pris mon temps en me disant, ouais, ils vont jamais commencer à l'heure. Et bah, si, ils ont commencé à l'heure. Donc, voilà, ça arrive, hein, c'est des choses comme ça. Les musiciens ne sont jamais en retard, ils commencent toujours précisément à l'heure. Précisément à l'heure. Quand le concert commence, c'est que c'était l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y en a qui se font attendre plus que d'autres. Il y en a qui sont à l'heure et il y en a d'autres aussi, des fois, qui... Parce qu'ils sont connus, des fois, il y en a même, certains, ils ont 1 heure, voire 2 heures de retard. Hein. Et puis, les gens, ils attendent. Là, c'est pas très sympa quand même pour le public, hein, moi, je trouve. Hein. C'est bien de respecter quand même à quelques minutes près les horaires. Très bien. On a vu aussi les projets. Donc, peut-être des enregistrements dans le futur, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Et si vous faites des enregistrements, ça sera des enregistrements en live, comme celui qu'on vient d'écouter là. Celui-là, c'était au Road Trip Café, c'est ça hein ? Exactement. Donc, c'est un morceau que vous avez enregistré en direct ? Oui. Alors, comment vous faites en multipiste et puis vous remixez derrière ou c'est carrément one shot en 2 pistes ? C'était un enregistrement donc en live tous ensemble en multipiste. D'accord. Mais il n'y a pas eu de retouche, de reprise derrière plutôt. D'accord. Donc vraiment, c'était bon, c'était... les niveaux étaient bons. Vous avez refait les. Les niveaux étaient plutôt bons. Ouais. J'ai un petit peu remixé derrière pour que ça colle plus à une ambiance enceinte casque. Mmh. Et c'est tout. Après, il n'y a pas eu de. Ce que ça arrive sur certains lives, surtout commercial. Que justement les musiciens rejouent derrière la piste. Oui. Ah bah il y a des fois parce que des fois dans les concerts il faut imaginer aussi qu'il y a le son de la salle donc tu connais très bien et ce que tu entends en casque est très bien et la salle ça résonne pas pareil et inversement. Des fois, sur la salle, c'est super bien. On a tout paramétré pour que ça sorte bien sur la salle. On enregistre et qu'on écoute, bah, c'est plat. Parce qu'il n'y a pas la résonance. Justement, la salle, elle apporte, elle peut dénaturer, mais elle peut aussi apporter quelque chose. Donc, voilà, il faut jouer avec les deux. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois que, justement, on capture le son et que le son, finalement, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. Sur la scène, ça sonnait super bien. Mais une fois sur, on passe sur une chaîne IFI, ouais, le son n'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc des fois, il y en a qui rejouent. Ou alors des fois, il manque aussi des... Donc on a le son en gros, on a les grosses caisses, tout ça, et les cymbales, pas vraiment. Donc on refait les cymbales, on remet les petits machins. Bon, on a des trucs pour mettre plus de présence aussi sur le son. Donc ça, c'est... Il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques. Hein. Ouais. C'est là où notre... Redonner du lifting à un morceau. Notre Clément National, avec ses doigts de fée, nous cale des sons parfaits. En plus, bah, notre batteur, lui, il travaille que sur une batterie électronique, donc c'est pareil, ça permet d'affiner les niveaux directement. Et oui, ça permet d'avoir un son extrêmement clair dès le départ et de ne pas avoir à y retoucher, donc ça, c'est vraiment top. D'accord, bah, très bien. Donc voilà, vous nous expliquez au fur et à mesure de l'émission votre manière de travailler. Et puis moi, je trouve que, en tout cas, le rendu, il est là. On a pu l'écouter sur deux morceaux. On en a encore quelques-uns à découvrir. Et entre-temps, on va aussi écouter plusieurs morceaux de vos influences. Voilà. Le temps passe vite. On est déjà à la moitié de l'émission. Hein, le temps passe très très, très vite. Et on a encore plein de choses à découvrir. Donc voilà, restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 22h avec le groupe Hardway. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets? Donc on a parlé tout à l'heure de vidéos, peut-être pas pour l'instant, donc non. De la captation live, ouais, oui. Ouais, captation live, peut-être des concerts, mais pas de clip. Pas de clip. À proprement parler, pas pour le moment. Pas pour le moment, non. Peut-être quand les compositions commenceront à venir, ou pas. Ou pas, pour l'instant, ouais, c'est pas encore le sujet. La priorité, ouais, c'est vraiment du live. Voilà. Je pense que si on doit sortir un CD, du coup, de quelques morceaux, ça sera des enregistrements live, justement. Ouais, je pense aussi, ouais. Pas forcément du studio, parce que je préfère que le public amène le live chez eux. D'accord. C'est-à-dire que le public voit comment vous jouez et puis ils emmènent ce son-là. Parce que des fois, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des fois c'est surprenant parce qu'on découvre un groupe sur scène, ouais, super bien. Puis après on l'écoute, ouais, mais c'est trop propre peut-être, retravaillé tout ça dans un studio. Ben, on a un son plus clair, c'est pas forcément. Et puis on disait aussi, quand vous êtes sur scène, vous avez tendance à jouer un petit peu plus vite, un peu plus fort. C'est pas toujours la même énergie. Donc voilà, il y a des groupes qui sont super bons en studio, il y en a d'autres qui sont super bons en live, et puis il y en a qui sont bons dans les deux, quoi. Comme il y en a qui sont mauvais dans tout. Mais cela, on n'est pas là pour en parler. Voilà, on dit citera, que la bonne musique. On citera pas de nom. Très bien. Alors comment ça se passe? Vous répétez régulièrement, non? Tous les 15 jours, en fait. Tous les 15 jours. Ouais. On a le local de répétition qui est chez Laurent, qui a aménagé tout un joli petit espace. Alors, il ne faut pas être trop, trop grand. Donc, c'est un critère de recrutement chez Hardway. Il ne faut pas dépasser le 1m80, sinon ça ne marche pas. Bon, tout juste moi, alors. C'est bon. Donc, ouais, il a tout ce qu'il faut. Il a la table qui va bien, les enceintes. Christophe ramène sa batterie ou la laisse des fois sur place pour plus de commodité, de ne pas avoir à tout démonter et remonter. C'est vrai que ça, c'est un avantage quand vous avez un studio de répétition comme ça. Vous pouvez laisser le matériel, vous avez, ou alors vous amenez juste vos guitares, vous les branchez, il y a tout sur place, quoi, c'est beaucoup mieux. Alors que sinon, quand c'est par exemple en location, dans les studios, ou alors chez d'autres personnes, chacun emmène son matériel, vous passez beaucoup de temps à l'installer, à faire vos réglages, après vous jouez, alors que là, tout le temps est consacré à la répétition, quoi. C'est ça, on a toujours le même son, en fait. Comme l'installation est plus ou moins fixe, du coup, on perd pas de temps à régler. Ouais, et en plus, on s'habitue aussi à un lieu. Ah, bah, c'est comme à la maison, hein. Ouais, voilà, au bout d'un moment, c'est votre référence. On s'habitue à un endroit, c'est comme les gens qui font du mix, ils sont habitués à leurs enceintes, ils sont habitués à leur local. S'ils changent un petit peu, déjà, ça perturbe un petit peu. Voilà, ça fait partie du. C'est vrai, mais c'est à double tranchant, parce que ça veut dire que le jour où on est dans un autre local ou tout simplement dans une salle de concert, on n'a plus les mêmes repères. Moi je comprends tout à fait, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà constaté à plusieurs reprises. Et ce que je vois aussi, c'est que des fois, quand je reçois des groupes qui jouent ici en live, on joue dans des conditions un peu restreintes, hein, c'est-à-dire qu'on peut pas jouer comme sur un concert. Et des fois, quand c'est des jeunes, des fois ils perdent un peu leur repère, ils entendent pas le son comme ils voudraient l'entendre. Voilà, c'est un peu compliqué, mais ça se comprend, hein, tout à fait. Ils sont habitués à jouer dans leur petit studio ou dans leur chambre, hein, tout simplement. Et à contrario, des fois, quand c'est des professionnels, ils arrivent ici, posent leur ampli et on joue. Ils ont tellement l'habitude de jouer, les gens qui tournent pendant des mois et des mois, ils ont tellement l'habitude de jouer dans n'importe quelle condition qu'au bout d'un moment ils s'adaptent à tout, quoi. On voit qu'ils ont l'expérience, quoi, tout simplement. Donc voilà, il y a ces deux trucs là. Il y en a qui sont capables de jouer dans n'importe quelle condition et d'autres ils sont un peu perdus dès qu'ils n'ont pas le son qu'ils ont habituellement. Très bien. Quelles sont les deux couleurs qui illustrerait le mieux votre univers? Est-ce que c'est des couleurs qu'on retrouve sur vos affiches, sur... Il y aura une couleur, c'est sûr. La deuxième... Tu penses au rouge, toi? Non, je pensais à l'autre. À l'autre. Ah, bah, déjà... C'est laquelle? Bah, le fond. Ah, le fond. En noir, quoi. Le noir. Couleur du rock'n'roll. Ah, ouais, c'est ça. ça revient souvent, c'est vrai que... Et le rouge aussi, hein, le rouge et le noir. Donc... Ça, c'est un petit clin d'œil à Jeanne Mess. Non, c'était pas ça, c'était Stendhal. C'est Stendhal, ouais. Bon, chacun, c'est... Chacun ses références. On a eu des grands débats récemment, puisqu'en fait, justement, on s'est attelé à refaire un fond de scène. Et du coup, on avait fait plein d'exemplaires avec plein de couleurs différentes. Et chacun avait sa petite préférence, chacun sa petite couleur de préférence, ouais. Donc oui, le noir, assurément. Oui. Ouais, de base. Après, ouais, soit rouge, soit blanc par-dessus. À voir. Mmh. Après, on pourrait faire plein de couleurs, finalement. C'est ça. Si tu penses à notre grosse caisse. C'est vrai qu'on a une grosse caisse qui produit de la lumière de façon aléatoire, multicolore. Oui. Là, ça, c'est quand il y a des courts-circuits, c'est ça, hein? Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès. On a un batteur bricoleur qui s'est amusé à installer des systèmes de LED. Et en fait, ça tourne. Il produit de la lumière, donc rouge, bleu, jaune. D'accord, parce qu'avant, ça existait, mais c'était pas volontaire. Hein. C'est ça. Et du coup, notre logo est... D'accord. Et éclairé aux couleurs qu'on choisit. C'est ça. Mmh. Ou aléatoirement, peu importe. D'accord. Et on joue vachement mieux quand c'est éclairé. Quand c'est pas éclairé, on se rend compte qu'il manque quelque chose. D'accord. Donc ça vous influence aussi dans vos interprétations c'est en live. C'est ça. D'accord. Et tu vois, justement, quand on fait une répétition comme ça et qu'il allume pas sa batterie, il n'y a pas ce côté live. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la même énergie. Et voilà, quand il allume, donc, c'est là, le live. Là, il va la modifier, il va mettre des spots de 500 watts. Hein. C'est ça. Là, ça va vous donner encore plus de pêche. Bah, parce que les LED, ça va un petit peu. Mais bon, après, il faut y aller. Hein. Il faut avoir le générateur de 15 kilowatts derrière pour envoyer la sauce. Non, mais c'est vrai que... C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure dans les concerts, il y a la musique, il y a l'ambiance, il y a les lumières, ça c'est important les lumières. Il y a les jeux de scène aussi, on voit les musiciens, ils sont à côté de nous. Le visuel, oui, ça compte le beaucoup. Le visuel, ça compte beaucoup. Hein. Et il y a des fois des choses qu'on découvre à la radio, par exemple, on s'imagine des choses, mais quand on les voit sur scène après... Quand on réécoute les morceaux, on les imagine sur scène. Voilà, on les a vus une première fois et puis on garde le souvenir du visuel. Ça, c'est important, ça. Très bien. Donc, vous retrouvez tous les 15 jours pour jouer vos morceaux. Et ça dure combien de temps? C'est tout le samedi après-midi. Ah ouais, carrément. C'est quand même... Vous bossez sérieusement ou vous faites des petites pauses et... Non, en fait, on pose l'instrument et puis on discute. Non, je rigole. Non, mais on boit des bières. Ça arrive, hein, ça arrive assez souvent, d'ailleurs. Hein. Moi je me souviens tout à l'heure. On parlait, tiens, encore une fois de Mousse qui me racontait qu'une fois, ils avaient été... pour une répétition, et puis finalement, ils ont commencé à boire un coup, à manger, et puis ils ont pas touché leurs instruments. Ils sont arrivés une fois, mais on était tellement bien ensemble que du coup, on l'a laissé comme ça. Et ce qui n'empêche que les autres fois, ils ont dû rattraper le coup, quoi. Il a fallu qu'ils travaillent aussi un petit peu, quoi. Donc, voilà. Et je sais que, il y a une bonne ambiance dans votre équipe ou? Alors, c'est très studieux. Mmh. En fait, on a Laurent, c'est le mec carré. Lui, il faut que ça tourne, il faut que ça soit carré. Alors. Des fois, il va venir retoucher en disant « Là, t'as joué un si, c'était un là, c'est, ça va pas, on refait. » Et du coup, c'est vraiment le métronome. D'ailleurs, Christophe, maintenant, qui s'amuse aussi à jouer au clic, est aussi le métronome vivant du groupe. Et ça bosse bien, dans une ambiance détente quand même, je trouve. Enfin, on est vraiment... entre potes, voilà. Ça, c'est important, ça. Hein. Moi, j'ai reçu beaucoup de groupes ici, et des fois, je sentais, dis oui, je joue bien, ceci, cela, mais il n'y a pas de complicité. Et quelques temps après, le groupe n'existait plus. Donc, on ressent ces choses-là. Quand il y a de la complicité, on voit que ça marche, ça roule. On voit des fois, même sur scène, ça, c'est important. Hein. Il y en a qui se plantent un petit peu, un regard, hop, on reprend, on est là, et ça se passe bien. Et quand il n'y a pas cette complicité-là, on sait que au moins de petits couacs, il y a un truc qui ne va pas aller, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est bien de bien s'entendre dans le groupe. C'est primordial. C'est essentiel. Ouais. Oui, exactement. Tu peux avoir les meilleurs musiciens du monde, s'ils ont des caractères pourris, tu vas pas. Ouais, on en connaît des comme ça, des groupes même très connus, de très bons musiciens, et puis ils peuvent pas s'entendre, donc ça marche pas longtemps. Hein. Et des fois ils se recomposent aussi. Hein. Vous voyez de qui je parle. Très bien. On va continuer avec vos influences. Donc, le morceau qu'on va écouter après, alors c'est L7, c'est ça? C'est ça. C'est une L7 influence ou c'est en anglais? L7, je pense. Ah, ouais, je pense. Oui. L, c'est la lettre. Hein. C'est ça. Parce que moi, tout à l'heure, je cherchais L-H-E-2-L. Ah, donc, oui. je trouve pas le morceau. Effectivement, donc c'est L. Donc, c'est pour ça que je le trouvais pas. C'est peut-être un jeu de mots, d'ailleurs. Hein. Oui, ouais. je pense aussi. Hein, ça me fait penser à Elixir aussi, que tu connais aussi. Oui. Le groupe de Poi que j'ai reçu il y a pas très très longtemps en cours de l'année 2025. Voilà, le petit jeu de mots L X I R, voilà. C'est ça. Et donc ça. L, ça peut être aussi la lettre L tout simplement. Mm. Très bien. Et le morceau s'appelle Everglade. C'est ça. C'est une influence de Christophe, notre batteur, d'accord. Alors, qui lui a passé de nombreuses années sur Angers et à faire du trash. Donc des trucs bien énervés, donc il nous a envoyé sa petite liste d'influences. Donc c'est du double pédale, triple pédale. Ouais, double non, pédale. Là on n'a pas choisi le morceau le plus énervé. Alors là, c'est le morceau le plus calme de la playlist. Hein, c'est apparemment, ça. C'est vous qui l'avez choisi. Et on va prendre quand même un truc soft pour diffuser la radio, hein, parce que les enfants sont pas tous couchés à cette heure-là. C'est ça. Donc c'est le plus soft, mais c'est déjà très dynamique, c'est ça. Tout à fait. On écoute tout de suite donc L7. Voilà, donc on a écouté un des morceaux choisis par le groupe invité de cette émission numéro 644, le groupe Hardway, qui est présent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc trois des membres sont présents hein, sur les cinq, mais on vient d'écouter donc une influence. Il s'agit du groupe L7 avec Everglade, c'est ça, je ne me suis pas trompé. C'est ça. Et puis donc tout à l'heure on avait notre ami Christophe, alors on va voir si on arrive à le retrouver. Allô ? Allô, allô. Oh, ça marche, c'est formidable. Donc, il y a trop de boutons sur la console. Et moi, j'ai appuyé sur tous les boutons, sauf sur le bon. Donc, alors, Christophe, merci déjà d'avoir insisté, parce qu'il a fallu que je reprenne la procédure, parce que je ne me souvenais plus. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on passe des gens à la radio, mais pourtant, on l'a déjà fait plusieurs fois. Mais bon, là, j'avais un petit trou. Voilà. Non, pas de problème. Alors, quoi de neuf, Christophe? Quoi de neuf après 8 déjà, je voulais saluer. Alors, ils sont que 3. C'est dommage, il n'y a même pas Laurent. Mais bon, tant pis. Bah non. Voilà, la bise aux 3 qui sont présents. J'en connais 2 bien. Clément, qui est talentueux pour nous faire le son au Mavrika Live. Mavrika Live, ouais. Voilà, et puis... avec lequel tu as déjà travaillé plusieurs fois, ouais. Pas trop saoulé la dernière fois que Prisma a joué là-haut. Bref, et puis évidemment, mon super pote Bigood. Salut Chris. Que je connais depuis très, très très longtemps. Très longtemps, ouais. Oui, oui, oui, et bah ouais, ça nous... Ouais, ça ne rajeunit pas, tout ça, mais bon. Ouais, si on regarde ça, ouais, effectivement, le groupe Ice Cream était parmi les premiers groupes hein, qui étaient venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et ça, ah ouais, ça fait déjà. Bien avant. Ouais, mais bien avant. Ça veut dire que moi, je les connais déjà depuis 15 ans. Et puis Clément, c'est pareil, hein, ouais. C'était la même époque, hein, donc une quinzaine d'années quand même, hein, peut-être 14 ans, on va dire. Allez. Exactement. Mais le temps passe vite, et puis ils ont pas pris une ride, ils sont genoux, je sais pas comment ils font. On prend des produits. Le rock'n'roll, ça conserve, hein, comme on dit. Hein. C'est ça. Et puis, moi, je me rappelle très bien, en tout cas, de l'excellente prestation qu'ils ont fait Hardway, donc au Road Trip Café. C'était l'année dernière ou il y a déjà 2 ans Mars 2024, ouais, l'année dernière. Ouais. Ah, c'est l'année dernière, voilà. Il y avait Eric à la basse, mais. Mais franchement, c'était une excellente prestation. Bon, il y avait Elixir aussi, effectivement. Enfin, j'ai passé une super soirée. Et puis, je suis trop content que vous ayez pris Bigood à la basse. C'est un excellent choix. En plus de ça, ça va apporter des cœurs, n'est-ce pas, je crois, madame la chanteuse. Tout à fait. Je m'en rappelle ton prénom. Désolé. Audrey, excuse-moi, Audrey. Je suis désolé. Ah oui, là maintenant, quasiment tout le monde dans le groupe pourrait chanter. Alors... Christophe, du coup, a préféré laisser le micro à Guillaume maintenant. Il a fait OK, Guillaume me remplace, c'est très bien. Mais sinon, C'est vrai qu'il est très doué au niveau du chant. Moi, je l'ai toujours dit et c'est vrai que ce n'est pas qu'un bassiste. Voilà. Merci, Chris. Et en plus, il ramène de très bons gâteaux le samedi après-midi. Ah, ça, je ne connaissais pas, moi. Il m'a caché ça. Il ne le fait pas pour tout le monde. Hein. C'est que pour les répètes. Hein. Ah ouais, bon, je viendrai à une répète. Alors, OK, vous n'êtes pas si loin, hein, Cléry. Ça va, c'est pas si loin que ça. Ça nous a souvent plus d'accueillir des guests qui viennent nous écouter. Je voulais vous féliciter pour votre excellente prestation. Et puis, pour la suite... je pense que Beaugency, c'est pas si loin que ça, donc je savais pas trop quoi faire entre les 44 000 propositions qu'on m'a faites pour aller voir des groupes le 21 juin, donc je devais même être au Hellfest, donc voilà. Non, Beaugency, ouais. C'est mieux. Beaugency Fest. Non, mais c'est pas grave, je préfère aller voir Hardway ou à Beaugency, il n'y a pas de souci. Ouais, Beaugency, c'est la capitale du rock'n'roll au niveau mondial. Samedi, samedi. Et puis un petit peu de moustique pour nous faire de la compagnie, donc c'est sympa au bord de Loire. Bref, rapidement, je voulais quand même préciser 2 choses. Ouais. La première, le Trickfest 5 est officiellement bouclé. Et d'accord. Donc la date est le 11 avril 2026. D'accord, toujours, 11 avril. Toujours au même endroit, 4 groupes. Cette année, très orientée progressif dans tous les sens du terme. Donc, ça passe du rock prog jusqu'au metal prog. D'accord. Voilà. Et franchement, ça va être une tuerie, puisque la tête d'affiche, on les voit pas souvent. ce sont des Italiens et ça va déchirer. Franchement, ça va déchirer. D'accord. Donc, pour l'instant, tu dis pas les noms ou tu peux commencer déjà à balancer? On va attendre la com officielle, mais tout est signé. Je voulais remercier aussi d'ailleurs tous les groupes qui postulent, parce que ça veut dire une chose déjà, c'est que le Cricfest commence à avoir une notoriété bien étendue, et ça fait super plaisir. Ça veut dire qu'il y avait un besoin quelque part de mettre en place un festival de façon récurrente en mode annuel, quoi, voilà. Et faire jouer donc des groupes locaux mélangés à des têtes d'affiche qui sont en devenir ou qui sont en pleine progression et qui tournent un peu partout, et les faire venir à Cléry, c'est un pied phénoménal, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le Cricfest. Et ça fait 3 ans que j'ai une idée en tête et je suis un petit peu en mode têtu, en mode ado. Qu'une envie, c'est de le faire, quoi qu'il arrive. D'accord. Et donc là, je lâche l'info. Je lâche l'info. Il y a 90% sûr de faire un nouveau format en plus du Cricfest. Donc ça ne remplace pas. Le Cricfest est fait pour perdurer. Sauf gros problème, mais je vois pas pourquoi. Ouais, je vois pas pourquoi, voilà, parce qu'à chaque fois, c'est une réussite, format, en tout cas. Un nouveau format en extérieur. Avec une capacité genre 1500 personnes, puisque malheureusement et d'une, le Rock'n'Roll Brèche, je crois qu'on a bien tous compris que malheureusement le Rock'n'Roll Brèche, on ne verra plus malheureusement dans le coin des groupes orientation métal, hard, comme Arnaud savait le faire, parce que voilà, c'est comme ça, et puis voilà. Donc c'est pas que je reprends le flambeau, pas du tout, hein. C'est juste que je suis en mode on n'a qu'une vie. J'ai possibilité d'organiser des choses. L'asso grossit en notoriété, en débouché possible sur du festival. Et donc là, ça serait sur le 19 septembre 2026. D'accord. Hein, donc septembre 2026. On travaille déjà fortement dessus, et donc là on sera en mode gros festival, 8 groupes. J'ai bien dit 8 groupes. Hein. Ah ouais, 8 groupes, voilà. Carrément. Donc, en une seule soirée. Pardon. En une seule soirée. Alors, mais c'est pas une soirée, c'est. Ah, c'est toute une journée. Ouverture des portes midi. D'accord. Premier groupe 13h, et franchement, ceux qui me connaissent, c'est tout ce que j'ai envie d'entendre. D'accord. Donc, il y aura peut-être du vent à laine, mais pas le vrai, forcément. Il y aura peut-être du extrême, mais pas le vrai, forcément. Bref, et puis il y aura des gros groupes de compos, de l'étranger, du suédois, du danois. D'accord. Des belles petites choses, voilà. Et c'est vraiment en train de bien se mettre en place, tout ça. Donc, on peut déjà noter, puisque c'est quasiment ficelé au niveau de la date et au niveau de l'endroit. Donc, c'est à côté de Cléry, c'est à Dry. Et le festival s'appellerait le Zik and Dry. Zik and Dry. C'est à Def Leppard, de Bigood, je pense que ça va faire tilt, avec l'album High and Dry. Ouais, ça me parle. Voilà, et donc, le Zik and Dry... avec tout ce qu'on a envie d'entendre, et puis passer un super bon moment. On essaye de voir au niveau des tarots, au niveau de l'entrée, que ça soit assez accessible à tout le monde. Voilà. Bon, c'est évident, hein, 8 groupes dont 2 grosses têtes d'affiche, forcément, faut quand même que les entrées. Absorbe un petit peu le cachet de tout ça, mais il y a de quoi vraiment, vraiment de se faire plaisir. Donc j'angoisse déjà à l'avance. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la météo. Ça, c'est toujours le truc qu'on contrôle pas. Voilà. Ça va être ma première vraiment en outdoor. Donc le seul élément qu'on ne maîtrise absolument pas, C'est donc effectivement les conditions météo. Moi, j'ai déjà fait le Hellfest sous la flotte. Ça se fait, hein. Ça se fait. Alors, faut pas non plus que ce soit des pluies torrentielles, évidemment, mais. Bah, voilà, si tu te souviens bien, dans l'histoire, le Woodstock, c'était sous la flotte aussi, hein. Voilà, ben, exactement. Après, quand on aime, on regarde pas à droite et à gauche, mais c'est vrai que ça serait quand même mieux si c'était une météo un peu plus clémente. Ouais, ni trop chaud, ni trop froid, quoi. Voilà, donc voilà l'info du soir, le 19 septembre 2026, le premier Zeke and Dry. Zeke and Dry, ok. Donc à Dry, pas très loin de... Bon, de toute façon, d'ici là, on a le temps d'en reparler, et puis il faudra le rappeler, parce que il faut le noter dès maintenant, et puis nous, on va le rappeler, parce que sinon, il y en a des gens, ils vont le noter, mais ils se souviendront plus dans quelques mois où ils l'ont noté. Exactement. Ah, aujourd'hui, on a quand même notre téléphone dans lequel on peut mettre les dates, comme ça, à retenir, oui, ça c'est important. Téléphone. Oui. Un téléphone. D'accord. Voilà. D'accord, non, je parle des smartphones. Smartphone. toi, t'es encore sur Amiga, ouais. Amstrad Amiga. Non, peut-être pas quand même. Non. Sans monopoliser l'antenne, voilà les infos du jour. Bah, très bien, en tout cas, ça nous fait plaisir de. Compo pour son nouvel album, qui on aimerait le sortir en fin d'année ou début d'année prochaine. Pour le Creekfest, ce sera une excellente nouvelle. Et puis ravi voilà d'avoir des connaissances, des potos qui continuent à jouer, qui ont toujours la pêche, qui ont toujours la niaque et qui proposent des belles prestations, notamment le 21 juin à Beaugency par exemple, au hasard. Donc tout va bien, voilà, faut vraiment s'évader, hein, aller voir les groupes sur scène. Ça permet d'effacer un peu l'actualité ambiante, ouais, qui est nauséabonde. Ouais, de pire en pire, on se demande. Hein. Ouais, même. Voilà, et franchement, voilà, on passe de très bons moments. Et puis voilà, faut aller voir les groupes sur scène parce que le live, y a pas photo, c'est la vie. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et c'est un vrai moment. Il y a le moment qu'on passe et après tous les souvenirs qui restent aussi, ça c'est important. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Souvenirs sonores, souvenirs photos. Et souvenirs aussi. On la voit à Paris, à chaque fois que je vois une photo passer, je me replonge dedans dans ce moment qui était immense. Et franchement, faut pas hésiter, hein, quand des fois on se tâte, on se dit ah ouais mais ça risque de nous coûter un petit peu. Là je parle notamment par exemple au hardware, hein, quand ils m'écoutent. Oui. C'est que voilà, des fois il y a des dates, on récupère pas forcément toute la mise avec les frais d'essence et compagnie, mais franchement c'est des souvenirs qu'on n'effacera jamais. On s'est payé le moulin rouge et franchement, c'est des souvenirs qui sont là, quoi. Tout le temps présent. Ok, et puis là, tu parlais justement des bons souvenirs qu'on peut avoir au niveau des images, au niveau de la musique. Ouais. Et aussi, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les concerts, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens qui ont la même passion que nous. Donc ça permet d'agrandir le cercle des amis, des passionnés de la musique. Et c'est des gens qu'on retrouve à un concert, qu'on retrouvera quelques temps après dans un autre. Et ça permet de faire de très bonnes rencontres et de passer des moments formidables, quoi. Tout à fait, c'est ça. Puis en plus de ça, quand on a des animateurs radio qui donnent leur temps pour faire découvrir les groupes locaux, qui en bavent un peu pour se faire découvrir, quoi. Voilà. Ouais, il faut les encourager, ces animateurs radio, parce qu'ils sont ils sont pas nombreux en plus. Je sais. En tout cas, je sais que je suis pas le seul non plus. C'est pour ça que tous les gens il y a beaucoup de gens que j'ai connus qui aujourd'hui font de la radio ailleurs et tout ça. Et ça me fait vraiment plaisir de savoir que cette passion-là, la radio, c'est pareil, c'est la passion de la musique, la passion des rencontres. Et tous les gens qui font découvrir les artistes de la région. Et d'ailleurs, il y a aussi des très bons artistes locaux. Du département d'à côté ou de l'autre bout de la France, hein. Donc c'est important de les faire passer parce que alors que des centaines de radios passent les 10 mêmes morceaux, Non, mais... Et il y a une radio comme la nôtre qui essaie de passer tout le reste. Donc c'est pas évident. Oui. Hein. Donc ouais, dans l'émission américaine, commerciale. Voilà. Donc voilà. Quoi qu'on fasse, on réglera pas le problème. En tout cas, voilà, c'est grâce à des gens comme toi qu'on arrive à se bouger, à se faire connaître. Et il y a un ingrédient hyper hyper important dans toute cette formule, c'est le public. Le ah, public oui. ne vient pas une fois. Deux fois, ouais. malgré les raisons, hein, j'ai tout entendu, j'ai aquaponé, j'ai la belle-sœur, du cousin, du voisin, de la copine, mais il y a un moment donné, si le public ne suit pas... Bah, au bout d'un moment, ils vont le regretter, parce qu'ils vont dire, voilà, avant il y avait des trucs, maintenant il n'y en a plus. Ah bah oui, mais quand il y en avait, il fallait venir. Il y aura des programmations à gros coups de dollars et d'euros. Ouais. Ils feront venir des têtes d'affiche que personne n'écoute, enfin en tout cas pas moi, qui n'ont de toutes les radios nationales commerciales. Et puis ben voilà, ça s'arrêtera là. Voilà. Voilà, c'est dommage. On vend plus de CD. Tout le monde le sait. Les CD, c'est un produit, c'est juste un souvenir. Mais bon, j'allais dire un truc. Les CD, c'est ouais. des CD. Oui, il y en a pas mal, mais après, bon, il y a le vinyle. Bon, je sors, je sors. Ouais. Mais c'est pas tout. On pourra dire tout le mal de ces supports-là, le CD, ouais, ça vaut pas un vinyle, ceci, cela. Mais moi, je suis fier de ma collection de CD. Moi, je suis content. Ouais. Quand les groupes, ils me laissent leur CD et puis qu'ils mettent un petit mot dessus, ils sont dédicacés. Bah, moi, je suis vachement fier. Je suis vachement content de mettre CD. Ça me permet de redécouvrir de temps en temps. Parce que c'est bien les fichiers sur les ordinateurs. Il faut chercher les trucs et tout ça. Non, mais c'est pas visuel. Moi, je vais dans ma bibliothèque, dans ma discothèque. Hein. Je tourne un peu les pages et puis tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté celui-là. Tiens, hop, je le numérise et je le diffuserai dans l'émission. C'est un tout, mais surtout, le plus important, c'est que le public, quand il y a des événements, surtout dans la région, il y a eu combien de festivals vraiment hard metal dans la région ? Ben non, vous êtes, toi avec le Creekfest, vous êtes quand même des représentants de ce style musical au niveau des concerts. Voilà, il n'y en a pas des tonnes. Ben je non. suppose qu'il y a pas mal de gens qui sont de la même tranche d'âge que moi et qui aiment le même genre de zik. Donc après, voilà, faut suivre. Si on suit pas une fois, deux fois, bah il y aura peut-être pas une troisième fois. Voilà, le message est passé en tout cas. Donc voilà. Voilà, c'est vrai que ce que tu dis là, tu vois, on n'a pas besoin de se le dire. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et c'est vrai qu'il faut insister parce que si un jour les choses, il y a plus rien, les gens, il faut pas se plaindre parce que quand il y avait les choses, les gens ne venaient pas. Donc c'est un petit peu dommage. Enfin, on est bien content quand les salles sont bien remplies et qu'on passe un bon moment. Et en tout cas, bravo en tout cas pour le dernier Hellfest, Creekfest, qui était un succès. Ne m'appelle pas Ben. Eux aussi, on peut les encourager et puis les féliciter pour ce qu'ils font. Moi, je ne collectionne pas les tableaux. Voilà. Mais effectivement, le Creekfest, toi, ce que tu fais, en tout cas, c'est super. C'est et puis, une passion. Hein. C'est une passion. C'est une passion. Voilà. Parce que ça je suis autant organisateur que fan. Ouais. Que fan et tu es musicien aussi, toi-même. Des choses que je n'ai jamais entendues, que je n'ai peut-être pas la possibilité d'aller voir une fois. Et que voilà. Tant que je peux le faire, je le fais, mais il faut que je sois suivi. Si je suis tout seul, Si je le fais une fois, deux fois, si je me ramasse à chaque fois, je jette l'éponge et puis j'arrête, quoi. Ouais. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, mais ça me fera quand même mal au cœur, je vais dire au cœur, mais je pensais à une autre partie. Ouais, une autre partie, ouais. ça me fera mal au cœur d'entendre, moi je pouvais pas à ce moment-là, parce que ça. Je suis désolé, quand on veut, on peut. Quand je veux voir. Si on peut pas à tous les coups, une fois de temps en temps, voilà. On peut pas être partout surtout non plus, c'est ce que je dis aussi, mais bon. Pas 100 euros, hein, je vous rassure tout de suite. J'ai pas encore tout à fait le truc, mais ça sera moins de 50 balles, c'est sûr. Pour 8 groupes, excuse-moi, mais je pense qu'on est quand même bien. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, très ça bien. Ça peut pas être gratuit, hein, parce que. Ouais, il y a des coûts, hein. Il y a des coûts. Les subventions, c'est fini, ça. Hein, à l'époque du, par exemple au hasard, hein, le Rock in Rebrèche, c'est fini. Ça, cette époque où les administrations, la municipalité ou le Loiret ou la région centre filaient l'équivalent des dépenses. Ça, c'est terminé. Ça ne va pas s'arranger hein, demain. Non, ça ne va pas s'arranger. Je crois même que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que bientôt, il va falloir qu'on paye de plus en plus pour pouvoir avoir les autorisations. C'est ça. Ah bah, c'est 70% de subventions en moins. Voilà, cette année, hein. Des subventions en moins et puis des trucs à payer en plus. Donc, au bout d'un moment, voilà, ça ne va pas être facile. Et puis, voilà, tant qu'on peut le faire, on va le faire. Ouais. Voilà, on a la passion, on a la niaque, on a l'envie, on y croit. Après, c'est effectivement, si le public n'est pas là, ne répond pas, bah, on verra. On verra. voilà. Bon, je ne monopolise pas plus parce que c'est l'émission de Hardway. Ouais, on a encore plein de morceaux à écouter. Une nouvelle fois et je leur fais bien la bise à tout le groupe. Et puis, je pense venir le 21 à Beaujean. Pas de problème là-dessus. D'accord, bah super. On t'accueillera pour un grand ouvert. Ils vont être contents. Bonne fin d'émission à vous, pas de problème là-dessus. Merci beaucoup. Christophe. Et puis, bon, au plaisir de te revoir. Au fait, tu as gagné aussi le livre de Didier. Il est chez moi, t'inquiète pas. Il n'est pas perdu, t'inquiète pas. J'ai vu tout à l'heure sur mon bureau, je dis, c'est moi qui l'ai. Mais bon, il y a Christophe, il faut vraiment. On n'est pas tant se revoir, Albino. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, je te remercie. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Et puis, à très bientôt. Merci. Allez, salut. Voilà, donc c'est toujours un plaisir. Hein. C'est un des plus fidèles auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et il m'appelle pratiquement à toutes les émissions. Hein. Des fois, ça arrive qu'il appelle pas. Je dis il y a un petit souci ou alors des fois il a autre chose. Mais bon, ça fait vraiment plaisir d'être suivi par des passionnés comme ça. Et il en faut parce que franchement, c'est vrai que ça devient de plus en plus dur d'organiser des événements. Et Christophe le fait très bien. Et en plus, il est musicien lui-même. Il a un groupe qui est super génial. Moi, j'adore ce qu'ils font. On écoutera un petit morceau tout à l'heure. Je voulais juste faire une petite annonce aussi parce que bon, on me l'a demandé, c'est vrai qu'on peut pas parler de tous les concerts qu'il y a en même temps, surtout quand c'est pendant l'émission Mavrika. Alors souvent je dis aux gens vous écoutez l'émission Mavrika, il y a un podcast, si vous allez au concert, allez-y, c'est la priorité et vous écouterez l'émission après, donc il y a pas de souci. La semaine prochaine pendant mon émission, il y aura le groupe Shaky Mech, je sais pas si vous le connaissez, qui sont déjà venus à un Mavrika live et qui ont sorti un nouvel album et ils seront dans la région orléanaise. Et en plus pendant mon absence, quand je fais pas l'émission, c'est Francis le chanteur qui fait les Rock Station, donc les petites émissions d'une heure, à peu près une heure et quelques, dans lesquelles il parle des groupes. Donc il y a eu Dr. Feelgood, il va y avoir les Beatles, etc. Donc à chaque fois il nous fait un petit truc comme ça, et donc je ne pouvais pas ne pas faire la publicité pour son concert qui aura lieu donc au Meeting Pot Café. Donc ça se passe à Saint-Jean-de-Bray. Saint-Jean-de-Bray, ouais, voilà. Donc c'est un groupe de la région parisienne, donc quand ils viennent sur Orléans, il faut aller les voir. Et ça se passe donc au 185 rue du Faubourg de Bourgogne à Saint-Jean-de-Bray, et c'est vendredi à 20 juin, donc la semaine prochaine, à partir de 20h. Donc voilà, le message est passé. Les Shaky Mets, un groupe qui envoie bien, hein, c'est du bon rock'n'roll, comme on aime en tout cas. Et c'est, ils envoient bien, et en plus ce sont des mecs super sympas, il faut vraiment aller les voir. Ça leur fera vraiment plaisir de remplir la salle. Voilà. Voilà pour le petit concert. Donc pour le petit concert, l'annonce du concert. Il y en a d'autres. Hein, on va pas s'étaler parce que bon, le temps passe très vite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer déjà un morceau de Prisma tout de suite, et juste derrière, on va enchaîner avec un morceau de Hardway. Tiens, on va choisir Superstition. On fait comme ça? Carrément. Carrément. Alors c'est parti, on écoute tout de suite Prisma avec Way of Life. patient and waiting. Oh, there is a distance. Wash your face, hands. Rid me of the problem. Do all that you can. And titre, le groupe Prisma avec Way of Life, et à l'instant c'était le groupe Hardway, notre invité de cette émission numéro 644 d'aujourd'hui, hein. Ils sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, d'ailleurs on va aller les retrouver tout de suite. Superstition, donc c'était une reprise de Stevie le merveilleux, quoi, c'est Stevie ça. Wonder. Voilà, en tout cas super interprétation, j'écoutais avec beaucoup d'attention. C'est, moi je découvre les morceaux ce soir, hein, comme les auditeurs, franchement bien interprété, une superbe voix Audrey, et puis les musiciens, tous au top. Hein. Franchement, ça me donne envie d'aller vous voir, malheureusement, à Beaugency la semaine prochaine, mais on doit rappeler quand même une chose, c'est qu'il y a aussi la fête de la radio, donc les Saints Populaires, et malheureusement, bah, je suis recruté pour ça. Mais j'aurai bien l'occasion un jour de vous voir en concert, et ça sera avec beaucoup de plaisir en tout cas. Voilà, donc là on vient d'écouter un morceau que vous réinterprétez donc de Stevie Wonder. Est-ce que vous-même, vous allez souvent au concert? Chaque fois que possible. Ouais, à chaque fois que très possible. Régulièrement. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui écoutent que leur musique. Nous, on fait nos trucs, puis les autres ne nous intéressent pas. Mais il y en a aussi, je pense que vous faites partie de ceux-là, qui s'intéressent à ce que les autres font aussi, même si c'est pas tout à fait leur style. Voilà, des fois, il faut aussi écouter les autres. Même des fois, il y a des bonnes surprises. Des fois, on n'aime pas, mais au moins, on aura écouté. On aura pris le temps de les écouter. C'est pas notre truc, ils le font bien, mais bon, on préfère autre chose. Mais, par exemple, vous, quels sont les derniers concerts que vous avez vus, par exemple? Allez, on va prendre chacun à votre tour. Audrey, vas-y, tu peux commencer. Ouais. On en parlait hors antenne. On était un peu critique, mais... C'est voilà, le truc inavouable. Je suis allée voir Kyo en concert. C'était là, le 7 juin. Kyo? Oui. Ah, Kyo, ouais, un groupe français, donc voilà. Tout à fait. Quoi. Donc, c'était bien. C'était très bien, oui. Ça m'a fait la nostalgie. Hein. C'est le groupe avait 20 ans. Ouais. Et donc, j'ai eu l'impression de revenir 20 ans en arrière et de réécouter tous les morceaux que j'avais. Ça fait 20 ans déjà. J'ai l'impression qu'ils sont tout jeunes encore. Et c'est vrai que le temps passe à une vitesse incroyable. Donc, voilà. Hein. Si tu as passé un bon moment. Moi, des fois, je vais à des concerts. Des fois, c'est pas mon style. Des fois, j'y vais et puis... Et finalement, je me dis, ouais, c'était bien, j'ai passé un bon moment, et finalement, je regrette pas d'avoir été, même si c'était pas le truc vers lequel je me serais dirigé dès le départ, mais finalement, on passe un bon moment, donc il faut aussi aller voir les groupes, et donc Kyo, pourquoi pas, hein, voilà. Figoud, il est pas convaincu, mais bon après ça tout. Ça a jamais été ma tasse de thé, mais il suis tolérant. Il en faut pour tous les goûts. Non, mais ça va, j'écoute d'autres choses qu'il commence à apprécier, que je lui fais découvrir, donc c'est bien. On se passe d'autres bons d'accord. plans. On a prévu dans la soirée de parler de nos découvertes récentes. Et du coup, alors je connaissais deux noms, The Pretty Reckless, parce qu'ils font la première partie d'ACDC là, depuis la deux ou troisième tournée qu'ils ont fait. ACDC, je ne connais pas. un petit groupe australien, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et je savais qu'ils jouaient, mais j'avais jamais trop porté l'oreille dessus. Et j'ai découvert ça dans le cadre du travail de répertoire d'Hardway. Et pour moi, ça a été une bonne découverte. Ouais. Mmh. Donc, je ne sais plus pourquoi on disait ça, mais... Ouais, à propos des découvertes. Faut être curieux, il faut aller voir les autres en concert, il faut s'intéresser. Et toi, tu les as vus déjà en concert, ceux-là? Non. Non, mais j'aimerais bien. T'aimerais bien. Ils sont vraiment très bien en concert. Ouais, ils sont bons, ouais. Mmh. Ouais, donc ils sont bons et t'es obligé de te taper derrière et s'est dit, c'est quoi, c'est... Ouais. Non, je rigole. Je pense que un concert d'ACDC, c'est pareil, c'est un truc qui s'oublie jamais, quoi. On y va et puis même si c'est quand même un des plus grands groupes mondiaux, hein, il faut quand même le dire. Ah oui. Si ce n'est le plus grand. Si... il y a des amateurs. Hein. Ah, disons que là, dans nos influences, ouais, on avait chacun choisi quelques morceaux. Il y a quand même trois morceaux d'ACDC qui sont ressortis. Hein. C'est une grosse inspiration. C'est quand même, une référence. C'est vrai qu'ACDC, je crois qu'on a tous des morceaux qu'on aime dans ACDC, même si on connaît pas tout en détail. Donc il y a forcément les aficionados qui connaissent tous les albums, qui connaissent tout. Mais le commun des mortels connaît des morceaux de Back in Black, I Want to Well, voilà, c'est des morceaux qui parlent. Ouais. Voilà, ces morceaux-là, on entend les premières notes, ça y est, on sait que c'est eux, il n'y a pas de souci, hein. Ça fait partie de la culture générale, quoi, quand on aime la musique, et c'est quand même des références au niveau de la musique. Ok, donc, Toi, ton dernier concert, Clément, c'était pas le dernier concert que je suis allé voir, c'était samedi 19 avril, il me semble. 19 avril. C'était pas le Maverick Live. Exactement. Ah ouais, mais là, c'est quand même un concert exceptionnel. Hein. On rappelle qui c'est qu'il y avait? Alors, il y avait Hazen Blues. Hazen Blues. Alors, franchement, un groupe de blues, franchement, je les ai découverts. Bon, ils étaient venus dans l'émission, ils ont joué aussi dans l'émission. Mais là, c'était une autre dimension sur la scène. Franchement, ils ont assuré et j'ai adoré. Hein. Et en plus, des mecs super sympas. Alors nous, c'est vrai que pour les Maverick Alive, on sélectionne quand même des gens qui sont super bien. C'est pour ça que ça se passe super bien, les Maverick Alive. Et il y a toujours une bonne entente. Et d'ailleurs, tiens, j'invite les gens à aller sur le Facebook de l'émission Maverick et vous verrez sur la photo de couverture, on appelle ça comme ça. Donc, il y a justement tous les gens qui avaient participé au Maverick Alive. Donc, il y a une belle brochette de musiciens et on est content. on est un petit peu déçu qu'il n'y ait qu'une fille sur... Je regarde, oui, il y avait que Claire qui était là quand. Claire des Tortues. Ouais. Donc il y avait Hazen Blues, The Cross Band, superbe découverte, donc du rock australien. Ils se qualifient comme ça. En vérité, c'est un groupe de la région, mais ils font style australien. On va dire ça comme ça. Donc, il y avait le groupe Deep Turtle aussi. Et en interscène, il y avait Chris et Phil. Donc, c'est un duo qui n'existe pas, officiellement. Normalement, c'est Chris et Léo, mais Léo était pas disponible. Il jouait à la même date avec le groupe Siragis. Et Chris voulait bien venir, mais sans Léo. Donc, il a trouvé une autre personne qui s'appelle Phil, qui était super. En tout cas, on a passé un super bon moment. Ils ont très peu répété et ça roulait. Leur duo, en tout cas, super bien marché. Et on a passé un très bon moment, donc le samedi 19 avril. Et il y avait Monsieur Clément à la console. Il nous a fait un très bon son. On est fiers quand même du son de Maverick Live. Parce que des fois, les gens peuvent critiquer. Ça peut être simple. Mais moi, je vais à beaucoup de concerts. Et je dis qu'on se situe quand même largement au-dessus de la moyenne. Parce qu'il y a des fois, je vais à des concerts, je suis content de voir les groupes, mais des fois, les conditions... C'est un plaisir ce que tu me dis. Ouais, mais c'est vrai. Moi, je le dis parce que franchement, j'ai du plaisir à écouter un bon son. Moi, je suis quelqu'un qui aime le bon son. Et il y a des fois, je vais à des concerts, je suis content d'y aller. Il y a des endroits où je suis content d'aller voir les groupes parce qu'il faut les encourager. Mais le son, non. Il y a des choses, des fois, je suis là, je dis non, mais ça m'agresse un peu les oreilles, quoi. Mais bon, après, on fait avec les moyens qu'on peut. Et puis, des fois, les locaux sont pas évidents. On a la chance d'avoir la salle des fêtes, la grande salle de l'espace Bérère, donc une salle de 500 personnes, qu'on ne remplit pas pour l'instant, mais on espère bien la blinder la prochaine fois, hein, donc le 25 octobre, voilà. Lequel groupe tu as préféré? Oula, je vais me faire des ennemis en disant ça. Ouais, c'est pas évident. Moi je dirais qu'ils étaient tous excellents, voilà, chacun dans leur style, quoi, en tout cas. Oui, voilà. Exactement. En tout cas, ils ont été sélectionnés sur une quarantaine de groupes, donc on choisit quand même les meilleurs. Et puis après, comme je disais aussi, le côté humain est important aussi, hein, parce que des fois, il y a des gens, je dirais pas de nom. Non, je plaisante. On peut parler de caractère. Il y a juste des gens qui ont un caractère pas toujours facile. Non, mais ça nous est déjà arrivé. Hein. On a tous eu des... Voilà, nous, quand on fait les concerts, on essaie de faire plaisir à tout le monde. On essaie de passer un bon moment et tout ça. Et des fois, il y a toujours des petits couacs qu'on se dit, mais c'est dommage quand même. On est là pour avec plein de bonnes intentions. Et puis, il y a toujours des gens qui... Bon, c'est un petit peu dommage. Mais bon, heureusement, dans les Maverick Alive, ça se passe toujours très bien. Voilà. Autre chose? On écoute le morceau peut-être? On va écouter le morceau. Ouais. Voilà. Donc on rappelle le titre, c'est comment? Going to Hell. Going to Hell. De la découverte de Bigood. La découverte de Bigood. Donc c'est Bigood qui a choisi ce morceau-là. On écoute tout de suite. We'll be right back. que de la bonne musique. Alors moi, j'aimerais bien, je vais vous expliquer pourquoi je fais l'émission Mavrica, parce que j'aimerais bien un jour, dans ma voiture, par exemple, allumer, tourner le bouton, écouter de la bonne musique comme ça. Donc, comme personne ne le fait, je me suis dit, il va falloir que je fasse une émission. Donc, ça fait 15 ans que ça dure, on écoute de la bonne musique le vendredi soir dans l'émission Mavrica, et j'espère que ça va durer encore quelques années. Et donc, joyeux anniversaire. Ouais, c'était l'anniversaire de la semaine dernière, j'étais pas là, mais merci de me le souhaiter, parce que 15 ans quand même d'émission, c'était le 4 juin, donc ça s'est fait il y a pas très longtemps, 15 ans et 644 émissions, et j'espère que ce numéro-là vous portera chance pour la suite, hein, 644. Alors des fois je retrouve des groupes, vous étiez venu quand on était venu pour, ils se souviennent du numéro de leur émission. Alors je dis ouais, après avec le numéro on les retrouve, parce que vous allez sur Mavrica, je vais vous donner une petite astuce, hein. Alors je le répète assez souvent, vous allez sur photo sur Facebook, vous allez sur photo, vous allez sur album, et vous avez un album par émission. Donc c'est simple, vous retrouvez chaque numéro, ils sont marqués dessus, et vous savez la date, et vous savez qui était là, etc. Donc les bons souvenirs, les bons albums, voilà, il y a on parlait tout à l'heure de Sonic Lag, bah voilà, ils sont là, lors de leur passage, et on peut retrouver tout, hein. Donc c'était le vendredi 22 mars, et je vous rappelle qu'ils feront partie du prochain Mavrica Live le 25 avril, voilà. Ça, c'est important de le dire, on va le répéter. Les prochains invités dans l'émission Mavrica, donc la semaine prochaine, je vous l'avais réservé, mais finalement vous êtes venus plus tôt. Pourquoi ? Parce que Max de Joanny, qui devait venir faire un concert dans la région et passer dans l'émission, a tout annulé. Bon, je connais pas exactement la raison, mais bon, j'espère qu'on aura l'occasion de le recevoir une prochaine fois. Donc je vous ai proposé cette date et vous êtes venus, et ça me fait vraiment plaisir de découvrir le groupe Hardway, parce qu'on vient d'écouter deux morceaux, hein, à la suite, et il y en a un, c'était de... Ben voilà, il n'est pas à jour, donc je vais aller sur l'autre. Ben non, j'ai perdu le truc. The Pretty Reckless. Oui, il y avait The Pretty Reckless Going to Hell, et après j'ai dû fermer la page avant de mettre votre titre. C'était Kickstart My Heart. Ouais, okay. Alors là, franchement, j'ai trouvé super bon, hein, et vachement bien interprété. Et c'est une chanson de qui ? Motley Crue. Motley Crue. Oh, et ça faisait partie du coup la démo de trois titres qu'on avait enregistré dans le garage. D'accord, franchement. Et en plus, je me suis dit, enchaîner deux morceaux. Alors, il y en a qui sont enregistrés dans des studios professionnels. Et des fois, on enchaîne des trucs, des petites maquettes avec des groupes qui n'ont pas forcément les moyens. Et des fois, on sent la différence de son. On dit, ouais, ça passe à la radio, mais il y a une différence. Mais bon. Et là, franchement, ça s'est enchaîné. Waouh ! Pour un truc qui enregistrait, bravo encore pour notre ingénieur du son. Hein. Voilà. Donc, dans les groupes que nous allons recevoir, alors ce soir, c'est vous qui êtes venu, donc le groupe Hardway. Le 27 juin, donc la semaine prochaine, j'aurai personne, mais ça va m'arranger parce que je ne me coucherai pas trop tard, parce que voilà, ils sont en train de préparer dans les à côté, on entend les gens rire parce qu'ils sont en train de préparer, c'est la direction de Radio Arc-en-Ciel qui prépare la fête des saints populaires qui aura lieu la semaine prochaine, donc le week-end prochain, et donc moi je suis recruté pour installer le studio là-bas pour pouvoir émettre du festival, quoi, de la fête des saints populaires. Et donc le 27 juin, par contre, il y aura un groupe qui va venir ici, c'est le groupe Ombrage. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il faut les découvrir parce que c'est un groupe qui chante en français en plus, donc ça fait plaisir. C'est rare. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, et faire du rock en français comme ils le font, je trouve c'est chapeau. Et en plus, ce sont des jeunes, et moi ça me fait plaisir de voir des jeunes qui reprennent le flambeau, qui font de la bonne musique. Forcément, c'est pas le même rock qu'on écoutait, mais il y a des synthés, il y a plein de choses comme ça, des arrangements, et en tout cas, ils le font très bien, donc je suis content de les recevoir ici, et ça sera l'occasion de leur sortie de leur album qu'ils ont enregistré au studio Émergence à Châteauneuf-sur-Loire. Donc tu connais aussi Stéphane, ouais. Voilà. Donc on leur fait un petit coucou à eux aussi, parce que c'est des gens qu'on apprécie beaucoup et qui nous ont permis d'enregistrer la chanson Mavrica. Je sais pas si vous la connaissez. C'est eux qui l'ont enregistré, donc c'est une composition du groupe The Garens pour l'émission Mavrica. Il l'avait interprété ici en live, donc en mode restreint, donc guitare, et à l'origine c'était une balade, et après ils l'ont un peu mieux orchestré, ça a été enregistré il y a quelques années déjà, le temps passe très vite, donc au studio Émergence à Châteauneuf-sur-Loire, voilà. pour l'histoire. Le 29 août, parce qu'après je prends aussi des vacances, donc ça va être un peu compliqué. Et au mois d'août, il y a moins de groupes qui veulent venir, hein, bon, parce qu'ils sont eux aussi en vacances. Donc souvent c'est un petit peu plus calme. On aura le groupe Blues Tomahawk. Mais si vous êtes dispo et que vous avez envie de venir, vous me contactez, il n'y a pas de souci. Et après ça repart au mois de septembre, donc d'ici là on aura le temps d'en reparler. Voilà, ça c'est important de citer les groupes qui vont venir. Tout à l'heure aussi j'avais retenu des dates, donc il faut que je retrouve ça rapidement. Normalement j'ai pas fermé la page. Alors j'avais dit au mois d'octobre. Alors au début de l'émission, j'ai passé un morceau de Daran. Vous connaissiez Daran les chaises? Non, je connaissais pas. Non, vous ne connaissez pas. C'était un groupe qui avait repris une chanson. C'était le groupe Paradox, que vous connaissez sûrement. Non, vous connaissez pas le groupe Paradox de la région là, le avec groupe de Vince. Reprise. Ouais. Oui, bah, et il avec Lolo à la basse. Voilà, ouais. il reprenait aussi cette chanson de Daran et les chaises, Dormir dehors. À leur sauce, un petit peu plus un peu plus boosté quoi. À l'origine, donc c'était un succès qu'avait eu Daran il y a quelques années, et ce chanteur d'origine canadienne, hein, qui fait des concerts en France, il continue de faire des bons morceaux. Franchement, j'ai écouté son album, il est super, il interprète en français aussi pour ceux qui aiment, et il sera en concert au Bouillon le 25 octobre. Donc moi j'y serai parce que je suis invité et j'aurai l'occasion de rencontrer ce grand monsieur et ça me fait vraiment plaisir de l'interviewer. Voilà. Après il y aura plein de dates, mais je vous conseille aussi d'aller sur le Facebook de l'émission Mavrika. Il y a un deuxième Facebook qui s'appelle le Nouvel Agenda de Mavrika, dans lequel je partage tous les événements. Vous allez là-haut, vous fouillez, vous allez sûrement trouver. Si un jour vous savez pas quoi faire, vous allez là-haut, vous cherchez, et pour les dates que vous voulez, vous allez trouver un événement à ne pas louper, donc avec tous les artistes de la région et d'ailleurs. Voilà. On va remercier aussi notre ami Florent qui fait les podcasts de l'émission Mavrika et qui enregistre donc toutes les émissions et qui après nous envoie le lien pour pouvoir réécouter l'émission pour ceux qui l'ont loupé. Non, ceux qui l'ont loupé, ils l'écouteront. Ceux qui l'ont apprécié, ils la réécouteront. Et ceux qui voudront la conserver, ils peuvent la télécharger même et puis avoir après le fichier chez eux pour pouvoir l'écouter dans 10 ans, 15 ans. 20 ans, 50 ans, sait-on jamais. Ça deviendra voilà. Collector. Ah oui, tout à fait, c'est sûr. En cassette. Voilà. Donc, bon, on va continuer cette émission. Voilà, c'est important aussi de parler de tous les gens qui nous entourent et qui nous permettent de faire notre passion de la radio, donc avec tous les gens qui enregistrent les podcasts, hein, parce que Florent, lui, a un Facebook qui s'appelle groupe de podcast de Radio Arc-en-Ciel, et dessus vous pouvez retrouver toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel. Il y a celle de Mavrika, mais pas seulement, il y a toutes les autres émissions qui sont faites ici, produites par notre vingtaine d'animateurs différents avec des styles différents. Voilà, c'est important de le dire. Voilà, donc on va revenir donc à Hardway. On a écouté ce morceau là que superbement interprété. On va en garder un. Il y en a combien encore qu'on n'a pas passé de vous? Il nous reste un. Un seul. Donc ouais. Je l'ai déjà mis de côté. C'est celui avec lequel on terminera l'émission. Et là, on peut écouter peut-être un autre morceau. Hein. C'est un morceau que vous avez choisi. Alors tout à l'heure, on a parlé d'un petit groupe australien qui peut-être peut percer dans les années qui viennent. À suivre. À suivre, ouais. Je pense. Ouais. Mmh. Donc on aime bien le rock australien parce que après il y a le grand groupe The Cross Band. Hein. Énorme groupe. Énorme groupe. Donc celui dont on va parler un peu moins connu, mais il fait aussi du rock australien, donc c'est important. Et le groupe s'appelle Courant Alternatif, Courant Continu. Moi, ouais, je sais pas si ça marche. Si, ça marche. Ça va pas marcher, ce truc-là. Ça va pas marcher. Non, c'est le grand groupe, on va quand même dire. Le groupe mythique AC/DC, voilà, qu'on suit depuis beaucoup de temps, qui était à son époque, je me souviens, moi j'étais encore au collège, hein, voilà, et on avait découvert ce groupe-là, c'était une révolution, quoi, c'était quelque chose de nouveau, du rock'n'roll interprété comme ça, ouais, on ne connaissait pas vraiment, et aujourd'hui encore il existe, bon, il y a eu pas mal de modifications, de transformations, mais le mythe AC/DC existe toujours. Et le morceau que vous avez choisi d'écouter ce soir s'appelle Up to my neck in you. Exactement. Vous le dites beaucoup mieux. Up to my neck in you. Sur l'album Courage. D'accord. On n'a pas choisi un morceau le plus mainstream. Pas du tout. Et c'est qui l'a choisi? C'est Clément. C'est Clément. Ok. Donc on écoute tout de suite. Oui. C'est parti. Donc moi le titre il me dit rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais peut-être que je vais écouter les notes et ça va me revenir. C'est possible. On en reparle après. C'est parti. or hire me. In the sky, in the pilot seat, trying to stop my mind from spiraling. And that's irony, that's irony. I'm just looking for a resolution. I just want to be a better human. But it's hard when everybody's acting stupid. Pardon me if that came off rude. I just have a bad attitude with the world and not just with you. It's the side effects of abuse. I admit I'm a little strange. I don't think that I'll ever change. I survived a whole life of pain. You could say I escaped my fate. Unpredictable, hard criminal, and I can be a little hypocritical, but I'll admit it straight to your face. I'm unbreakable, irreplaceable, undeniably inspirational. I do everything I have available to make me the person I am today. Dear diary, dear diary, I just had another wild dream. I was in a world that admired me, and when I woke up I was smiling. And that's irony, that's irony. You talk a lot but you don't even know me. I'm just hoping that my testimony will inspire y'all to stop acting phony. Pardon me if that came off weird. I don't mean to be mean, I swear. I have been through a lot this year. I just wanna make a few things clear. I don't like it when people hate behind my back and not to my face. Nowadays it just feels so fake. So I'll cut the grass till it shows the snakes. It's impossible. You don't wanna see the diabolical. I don't mean it, never stop the volatile. So I suggest you stay in your lane. I'm unapologetic, you know where it's headed. I will never ever let up on the pedal. I got the fear of everyone. You want me cover back the fuck up, get out my face. The labor and you praise the fascists. You kiss the hand that takes half in taxes. Faking outrage and being seen. A generation with no self-esteem. It's time to rise up and stand against them. Break the chains and finally see the vision. We're post-traumatic from a broken system. Follow me into the chaos engine. It's time to stand, it's time to fight. Don't be afraid to twist the knife. Your sacrifice to break the curse. Prepare to die, prepare to burn. Abandon hope, it's not enough. Cause all our gods abandon us. Your sacrifice to break the curse, fight the match, watch it back. Radio Arc-en-Ciel avec nos invités aujourd'hui, c'était le groupe Hardway. On arrive bientôt à la fin, c'est pour ça que je dis c'était, mais vous êtes encore présents, donc il nous reste encore un morceau à écouter. Là, à l'instant, on a écouté donc AC/DC avec Up to My Neck in You. Voilà, j'ai réussi à le dire du premier coup, disons. Falling in Reverse avec Prequel, donc c'est des morceaux que vous avez choisis. Alors, qui c'est qui veut nous parler de Falling in Reverse? Ah bah oui, il faudrait peut-être que je mette les micros, voilà. Yes, Falling in Reverse, c'est ma découverte de mardi dernier. Ouais. Yes, c'est un ami à moi qui m'a fait écouter ça et j'ai fait OK. Ouais, non mais moi c'était la première écoute hein, et franchement j'ai trouvé que c'était super bien déjà. Après c'est pareil, des fois une seule écoute ne suffit pas, il faut écouter plusieurs fois et après ça rentre dans la tête et puis ça fait partie des bons morceaux. En tout cas c'est agréable d'écouter des morceaux comme ça qu'on n'écoute pas dans les autres radios. Voilà, c'est dommage, tant pis pour eux. Voilà, merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et on diffuse des bons morceaux. Et moi l'avantage que j'ai avec cette émission, c'est que j'ai des invités qui me font découvrir des morceaux. Donc c'est pas seulement moi qui vous apprends des choses, moi aussi j'apprends des choses pendant l'émission Eureka, et ça c'est quelque chose d'important. La culture, ça se transmet. Alors, voilà, on découvre des choses comme ça. Et des fois ça m'arrive après une émission, je dis tiens, j'ai bien aimé ce morceau-là, je m'intéresse un peu plus à tel artiste, et puis je découvre il a fait tel album, j'écoute un peu plus, et puis c'est comme ça qu'on découvre les bonnes choses. Il faut pas faire confiance dans ce qu'on nous diffuse à la télé, à la radio, qui sont pas forcément. On a l'impression que c'est les seuls artistes au monde, alors qu'il y en a bien d'autres qui sont des fois aussi bons, sinon meilleurs. Voilà. C'est ça. Donc voilà, c'est important de découvrir par soi-même, et puis avec des gens qui nous font découvrir la musique. La musique, c'est culturel, ça se transmet, donc ça s'apprend, hein, ça aussi. Et donc merci en tout cas de nous avoir fait découvrir cet artiste. On en a un autre à écouter aussi, qui s'appelle Aaron Jones. Donc là, c'est Audrey qui l'a choisi. Tout à fait, c'est ma découverte. Alors, pas d'un peu plus longtemps que la tienne. Clément, lui, c'était tout récent. Moi, ça fait quelques mois que j'ai découvert cet artiste. Mmh. J'aime beaucoup, et un son très intéressant. Une voix. J'adore, voilà. D'accord. Je m'en dis pas plus. Donc, on va le découvrir comme ça. Donc là, tu nous as donné l'envie d'entendre ce morceau-là. Et on va l'écouter tout de suite. Alors, le morceau, il s'appelle Blood in the Water. Donc, ouais, c'est un peu bizarre, quand même. Enfin, bon, du sang dans l'eau. Hein. C'est ça. Et on va écouter tout de suite, parce que tu nous as donné envie de découvrir cet artiste. On va le découvrir tous ensemble. Voilà donc la découverte de d'Audrey, la chanteuse du groupe Hardway. Donc bon, on écoute les notes de guitare, super agréable. On savait pas que derrière il y avait toute une orchestration. En tout cas, un super morceau, très bien construit. Et puis une voix, ah oui, dès qu'on a entendu la première voix, waouh, qu'est-ce que c'est? Donc, ben, un nom à retenir. Voilà, je recherche le nom. Aaron Jones. Voilà, Aaron Jones. Blood in the Water, donc un artiste américain, anglais. Américain, ouais. Voilà. J'ai des grosses influences côté rock alternatif américain, et ouais, Aaron Jones en fait partie. Franchement, une très belle voix, et puis un morceau à la fois doux et puissant. Voilà. Et puis c'est pareil, la voix exceptionnelle, une voix exceptionnelle, on peut le dire, ça comme ça. D'ailleurs, il y a une question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous reprenez des morceaux en français? Alors, on en a deux. Deux. Ouais, ah bon. Ils sont choisis avec soin. Quels sont-ils? Il y a Antisocial de Trust. Antisocial de Trust, ouais. Ouais. Et l'autre, c'est. Je laisse Clément le faire. Tu veux vraiment que je le fasse? Ouais, il faut que tu le fasses. Ah, vas-y, inspire-toi, voilà. Attends, tu veux me donner un défi, là? Défi de fin de soirée, let's go. C'est. Allumer le feu. Allumer le feu. Donc ça, c'est notre Johnny national. Tout donc à fait. Le grand Johnny Hallyday. Non, c'est marrant parce que effectivement, il y a plein de trucs et Johnny Hallyday, je m'attendais pas à ce que vous le repreniez. Je sais pas pourquoi. Et ben là, tu vois, c'est vraiment pour le coup ce que le public aime. Parce voilà, que... ouais. Après Johnny Hallyday, ça parle à tout le monde aussi. C'est ça. Il a une carrière qui, on peut aimer ou ne pas aimer, mais on a tous une chanson de Johnny Hallyday qu'on connaît bien et qui nous a marqué un certain moment de notre vie, parce qu'il a une carrière quand même. Et puis il a eu quand même de grands compositeurs, donc il y a forcément des chansons qui nous parlent. En plus, ça parle en français, donc voilà. Donc Johnny Hallyday, on aime ou on n'aime pas, mais en attendant, c'est un grand monsieur. Et tous ceux qui ont été voir des concerts de Johnny Hallyday, 10 ans, 20 ans après, ils s'en souviennent encore. Donc voilà, grand monsieur. Voilà, c'est bien de le dire aussi. Il y en a, moi j'ai reçu des gens qui étaient passionnés de Johnny Hallyday dans l'émission. Et après, ça se comprend aussi. C'est un grand monsieur qui malheureusement n'est pas connu forcément au-delà des Français. Alors, françaises, ce qui est bien dommage. Comme il y en a d'autres, hein, il y a aussi des artistes en Espagne qui marchent super bien, qu'on connaît pas du tout en France. Et inversement, donc c'est bien aussi d'écouter plein de trucs à droite, à gauche. Il y a des bonnes choses un peu partout. Donc, et Johnny Hallyday, donc allumez le feu. Exactement. Très bien, je ne m'y attendais pas, mais bon, voilà. C'est... Bah, comme tu vois, on a des influences qui vont vraiment de AC/DC à la du Alter Bridge, du Pretty Reckless, et Johnny, voilà, venez tout à fait naturellement au milieu de tout ça. Ouais, mais je pense que si jamais vous aviez pris qu'un seul style et que vous l'interprétiez, je pense que les gens adhéreraient moins. Là, c'est le fait que ce soit finalement, vous animez une soirée où les gens peuvent voyager avec des styles différents, et à chaque fois ils sont interpellés par tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir après, qu'est-ce qu'il va y avoir après, parce qu'à chaque fois c'est une surprise. C'est ça. Et non, franchement, tant mieux, hein. Je préfère comme ça, moi, à la limite. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette émission-là. Est-ce que on va rappeler déjà la date de la semaine prochaine, donc le 21 juin à la place du Mar 3 à Beaugency, donc c'est pas celle d'Orléans, mais celle, pas celle d'Orléans, ouais. Ils ont trouvé Orléans, ils ont pas là le groupe Hardway. Ah ben non, c'est à Beaugency, hein, il faut pas oublier, donc ça s'appelle pareil, place du Mar 3, et c'est à partir de 20h, donc en extérieur, donc on souhaite que le temps soit clément, hein. Propice. Clément est là. Voilà. Et propice, donc, ni trop chaud, parce que des fois, moi, je me souviens d'un Maverick à l'aile qu'on avait fait, on avait tout préparé dans la journée, on était en nage. Et tellement il faisait chaud. En plus, dans la salle, on avait tout ouvert. Et il faisait vraiment trop chaud. Donc c'est pas toujours agréable. Donc il faut qu'il fasse bon. Surtout quand c'est le soir, ça va, une température agréable. Et surtout pas de pluie. Parce que la pluie, c'est le pire. En plein air, oui. Bon, la neige, je pense qu'on va être tranquille de ce côté-là. Très bien. Autre chose à rajouter, vous êtes à la radio, est-ce que vous avez un petit message à faire passer auprès des auditeurs? Alors déjà, on voulait te remercier beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir, c'est toi, Albino. Et ouais. C'est passé une vitesse, on arrive à la fin. Quand ça passe très vite comme ça, c'est que finalement, c'est pas ennuyé, on a découvert plein de choses. J'ai découvert aussi votre travail, hein, que je connaissais pas, à part, j'avais visionné un petit peu les vidéos, donc vous avez sur le YouTube. Mais sans plus, quoi. Et là, ce soir, je me suis un peu mieux concentré, j'ai bien écouté vos morceaux que vous m'avez apportés. Et donc, la semaine prochaine, comme j'ai pas d'invité, je rediffuserai un petit morceau d'Hardway. Merci beaucoup. Il y en a un que vous avez, que vous préférez par rapport aux autres? Un morceau à mettre en avant pour les prochaines semaines, ou alors à chaque fois je change? tous. Tous, même ceux qu'on n'a pas encore enregistrés. Oui, voilà. Bah, ceux-là, dès que vous les avez, vous me les envoyez, je les passerai avec plaisir, en tout cas. Merci. Voilà. Autre chose, vous pouvez faire un petit coucou. Un grand coucou à Laurent et Christophe aussi. Bah oui, Laurent et Christophe qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais que j'espère bien qu'ils reviendront. Maintenant, vous faites partie de la Mavericas Family, vous connaissez l'adresse, vous revenez quand, dès qu'il y a de l'actualité, vous avez envie de revenir, passer un petit moment avec moi. Et puis aujourd'hui, en plus, on fête les 15 ans de l'émission Mavrica. Donc nous, on va rendre l'antenne, mais après, on va passer encore un petit moment à discuter et puis aussi à prendre des photos. Ça, c'est important de garder des souvenirs. On va dire les phrases magiques de l'émission, parce qu'on dit toujours les phrases magiques à la fin de chaque émission, c'est que le rock'n'roll soit avec vous. Là, aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Une vie sans musique serait une erreur, et everything is gonna be alright. Voilà les phrases magiques qu'on dit à chaque fois. Des fois, on en rajoute d'autres, hein. Des fois, on en trouve d'autres, mais après, on les oublie. Mais celles-là, elles reviennent à chaque fois, donc on les répète au fur et à mesure. Et on veut remercier aussi tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont mis des petits messages sur le Facebook de l'émission Mavrica, et tous ceux qui nous ont écoutés sans rien dire. Ça nous fait toujours plaisir, et qu'on retrouvera sûrement à un concert qui vont nous dire tiens, j'ai écouté telle émission, etc. Donc on sait que les gens, des fois, se manifestent pas forcément, mais ils écoutent avec beaucoup d'attention l'émission Mavrica. Je pense que j'ai tout dit, donc on va souhaiter à nos auditeurs une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine, et rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h sur le 96.2 MHz Radio Arc-en-Ciel avec l'émission Mavrica. Voilà. Voilà, merci beaucoup en tout cas. On va se quitter avec le dernier morceau. Qui c'est qui nous présente ce morceau-là? Allez. C'est un morceau composé par deux, trois barbus, je ne sais plus. Des barbus. Surtout des barbus, oui. Ouais, des barbus qui viennent du Texas, il me semble. Ouais. D'accord. Bon, je dis rien, mais ça commence par Zizi. ça commence par Zizi. On fait d'accord. Ça, voilà. Zizi au top. Non, ouais. Non, Zizi Jean-Mère, non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle, non. Zizi top, donc forcément, on les a reconnus, les barbus, avec voilà, un groupe, une référence aussi, hein, le rock texan, comme on le disait, bon, du bon vieux rock'n'roll bien gras, comme on aime. Hein. Et le morceau s'appelle, tu me l'as dit. Le morceau s'appelle Touch, et Touch. C'est capturé en live par Hardway. Voilà. Par Hardway, c'était au Road Trip. Café. Ouais. Café. Voilà, donc un bon souvenir. C'est bien d'enregistrer des trucs comme ça, surtout quand c'est en live. Ça garde des bons souvenirs. En plus, les enregistrements sont de qualité. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les diffuser avec une bonne qualité, quoi, en tout cas. Merci à vous, en tout cas, d'être venu à cette émission. C'était l'émission numéro 644. Ce numéro-là va vous porter bonheur, c'est sûr. Et puis nous, on va rendre l'antenne, mais on se retrouve pour les photos. Et puis, il fait soif aussi, hein. On va se désaltérer. Il fait chaud dans les. On est bien dans les studios, mais on a quand même un petit peu chaud. Et puis en plus, on a beaucoup parlé. Donc quand on parle, ça donne soif. Ouais. Ça donne soif. Voilà, on se quitte donc avec le dernier morceau de Hardway. Le morceau s'appelle Touch. Touch. I'm Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. A continuação de uma boa sexta-feira conosco. Antena 1, Liga Portugal. A Braga 25, Capital Europeia da Cultura, apresenta Celebração do Desejar.